Rex Quondam, Rexque Futurus. Épisode spécial, The Kid Who Would Be King. Bonjour à tous et bienvenue dans Rex Quondam, Rexque Futurus pour un épisode spécial. Bonjour Antoine. Salut Laïs. Aujourd'hui, on va essayer d'être un peu plus court que d'habitude et on va essayer d'être un peu plus dans l'actualité. On va vous parler d'un film qui théoriquement est au cinéma proche de chez vous, enfin si vous êtes en France. La sortie a été un peu contrariée par le fait que ce film a été frappé par la malédiction des films arthuriens et qu'il a été apparemment un échec commercial. Ouais, pour un budget d'à peu près 60 millions de dollars, il en a récolté pour l'instant, je crois, que 30 millions à peu près, ouais, internationalement, donc c'est pas terrible, c'est un peu dommage, parce que, voilà, c'était... Ça va pas servir, à... je pense pas que ça va récolter les suffrages des producteurs. Ça va pas redorer le blason des films arthuriens, c'est-à-dire que tous les 5-10 ans, les gens se disent « c'est le bon moment pour refaire un truc sur une légende qui d'ailleurs, c'est cool, il n'y a pas de copyright dessus, donc on évite un peu ce problème-là ». Ça risque d'enterrer encore plus avec l'échec de Guy Ritchie les projets cinématographiques de ce côté-là. On va donc vous parler de... Cela dit, comparé à un film comme typiquement le film de Guy Ritchie, j'ai l'impression que le film de Guy Ritchie était un échec encore plus monumental parce qu'il avait fait quoi ? Il avait fait un peu plus il avait récolté un peu plus de sous, mais il avait quand même fait 150 millions à l'international, en tout à l'international et aux États-Unis. Avec un budget quand même de quelque chose comme 175 millions. Donc il y avait quand même un échec un peu moins grand. Et avant, le King Arthur de Fuqua avait quand même réussi à dépasser son budget en termes de gains. Donc il avait fait quoi, 200 millions ouais, contre... Dans la génération d'avant, ça allait encore. 200 assez, millions contre 120 millions de production. Donc ça va encore, effectivement. Mais après, ouais, il y a des... J'ai l'impression que ça va en descendant. Et puis en général, les films qui mélangent Moyen-Âge et temps moderne, que ce soit au niveau de l'esthétique, comme précisément le King Arthur de Guy Ritchie ou le Robin des Bois qui est sorti il n'y a pas longtemps, et là... L'inverse un peu, le côté transplantation du Moyen-Âge dans le moderne, ça marche pas forcément extrêmement bien. Oui, est-ce qu'il y a vraiment un public pour ça ? On peut se poser la question. Et il faut aussi dire, le film de Guy Ritchie était aussi un échec critique. Il y a vraiment peu de gens qui avaient aimé ce film, alors que là, la critique est plutôt positive. Pas époustouflée, pas extrêmement originale, pas extrêmement... pas vraiment un classique, on va dire, mais les gens, les critiques sont plutôt positifs. Nous aussi, d'ailleurs, on est plutôt relativement surpris en bien. Déçu en bien, comme on dirait dans le canton de Vaud, mais malgré ça, effectivement, pas un grand succès. On va donc vous parler de The Kid Who Would Be King, l'enfant qui serait roi, inspiré d'un titre de Rudyard Kipling, qui je sais pas s'il a un grand rapport avec le film lui-même, mais voilà, qui était traduit en français Alex, le destin d'un roi. Bon, voilà, les titres français, bon, c'est une autre discussion. Il devait sortir en Suisse, je crois, cette semaine. Malheureusement, je le trouvais sur des sites Allociné, machin, les sites pâtés suisses qui annonçaient la sortie pour le 10, 12, 13 avril, suivant quoi. Malheureusement, toutes ces pages ont cessé d'exister, donc je pense que l'échec commercial du film a peut-être fait que, bon ben, on va peut-être pas le sortir en Suisse romande. Heureusement, j'ai réussi à me projeter astralement pour aller voir le film en France, ce qui se passait plutôt bien. À la moitié de la séance, il y a des séides de Adopi qui ont commencé à projeter astralement pour m'en empêcher, mais... t'as quand même réussi. Ouais, j'ai aussi réussi à le voir, du coup... Il faut dire qu'il y a des sorties, il y a un moment, et c'est aussi peut-être un des problèmes du film quelque part en fait, le fait qu'il soit sorti déjà il y a un petit moment en Grande-Bretagne et aux États-Unis, je crois qu'il est sorti au mois de janvier. Au début de l'année, janvier-février. Et puis, D'ailleurs, c'est un signe que l'exploitation ne s'est pas passée très bien, il est sorti, donc du coup il va sortir en DVD la semaine prochaine, il est déjà sorti il est sorti sur Internet, hein, vous pouvez le télécharger légalement sur Internet. Parce qu'il est déjà disponible, quoi, donc sur iTunes et ce genre de médias. Voilà, ça a accéléré complètement le cycle de production, quoi. Oui, c'est ce qui se passe dans des pays où la chronologie des médias n'est pas aussi stricte qu'en France. En général, la sortie en DVD d'un film est simplement, il commence à sortir en DVD et en numérique quand on arrête de l'exploiter au cinéma, en fait. Ouais. Et là, en l'occurrence, bah, l'espace assez réduit entre les deux indique que vraiment, ça n'a pas fait beaucoup d'argent. Je pense qu'ils peuvent compter peut-être sur une vue, enfin, sur des ventes DVD ou... Enfin, en home vidéo, comme on dit, pour peut-être essayer de renflouer les cases, je sais pas. Donc, c'est le nouveau film de Joe Cornish qui avait été surtout remarqué pour Attack the Block, qui avait. C'était le film qu'il avait fait avant, en fait. Parce qu'avant, ouais. Joe Cornish, il était connu depuis les années 90-2000. Il avait une série comique sur Channel 4 qui s'appelait The Adam and Joe Show avec Adam Buxton. Donc, c'était une espèce de un mi-chemin entre Adult Swim et puis une émission un peu de pop culture, parodique, satirique, qui était apparemment. Un assez grand succès. Il avait fait donc du coup Attack the Block, qui était ce film de science-fiction où des aliens envahissaient Londres en commençant par une tour d'une cité de ce qu'on appellerait une cité en France, une banlieue pas très fortunée, et où une bande de jeunes issus du voisinage justement arrivait à les repousser héroïquement. Parmi ces jeunes, notamment John Boyega, qui jouait le leader Finn. Qui est Finn dans Star Wars et qui jouait le leader, je crois qu'il s'appelait Moses dans le film, qui était un peu le leader taciturne de la bande de jeunes. Il y avait Jodie Whittaker qui est maintenant le 13e docteur, la 13e, comment dire en français, la 13e doctoresse, la 13e docteur, la 13e, 13e docteur qui jouait l'espèce de. La 13e doctrice. Ouais, exactement. Qui jouait une infirmière qui était embarquée avec. Et ça avait été un succès critique, notamment parce que y avait des très bons acteurs, ils avaient fait vraiment beaucoup avec un petit budget. Les effets spéciaux ont été pas mal remarqués, plusieurs prix d'effets spéciaux pour les monstres qui sont tout noirs avec ces espèces de bouches fluorescentes comme ça, ce qui avait été pas mal remarqué et qui coûtait moins cher que c'était joli, on va dire. Simplement des bons acteurs inconnus aussi, des jeunes acteurs qui étaient très très très forts. Et ça a aussi eu, je pense, un succès certain, renforcé par le fait que du coup John Boyega et Jodie Whittaker ont été cassés dans des franchises assez importantes après. Mais effectivement, on est assez dans la même vibe avec The Kid Who Would Be King. C'est aussi un film qui est centré d'abord sur Londres et sur la Grande-Bretagne, sur le côté un peu urbain comme ça, les jeunes écoliers. C'est un peu moins, on n'est pas dans une banlieue pauvre de Londres, là on est dans une école publique un peu plus classe moyenne. Ça me rappelle en fait beaucoup la vibe, si vous avez vu des séries comme par exemple Class, le spin-off de Doctor Who qui se passait dans une école justement londonienne, l'école où le personnage de Jenna Coleman Clara était prof dans la série, dans Doctor Who. Il y a vraiment ce côté un peu disons fantasy urbaine, science-fiction urbaine, très Doctor Who justement, très aussi Sarah Jane Adventures, très Torchwood, qui est dans l'esthétique. Et c'était quelque chose qu'on retrouvait un petit peu aussi dans Attack the Block finalement, hein, cette esthétique assez britannique comme ça, fantasy et science-fiction britannique, un peu kitchen sink comme ça, qui marchait bien. Et donc c'est pas étonnant de voir un film assez similaire finalement dans sa structure générale dans la filmographie de Joe Cornish. Joe Cornish a aussi fait, en tant que, il est pas seulement réalisateur, il a fait ses deux films et là il prépare un film qui s'appelle Snow Crash. Il a aussi écrit des films, entre temps il est aussi responsable du film Ant-Man. Il a co-écrit le film Ant-Man qui était sorti en 2015, et il a aussi participé à l'écriture avec Stephen Moffat. Justement, on se retrouve un petit milieu. on se retrouve avec le même petit milieu, effectivement. Il avait participé aux Aventures de Tintin, le premier film qui était sorti en 2011. Sur le reprise du Secret de la Licorne. Hein, exactement. Du coup, là, c'était pas un succès similaire, mais avant, on va vous donner, je pense, on va faire un petit synopsis du film pour vous donner un peu une idée et vous dire nos impressions pour ceux qui voudraient encore voir le film. Et après, on parlera un petit peu plus de l'histoire. Donc le film nous parle de l'histoire d'Alexander Elliot, qui est joué par Louis Ashburn Serkis, le fils d'un autre Serkis assez connu, et de son ami Bedders, joué par Dan Chaumou, qui sont martyrisés par Kay, une jeune fille noire, jouée par Rihanna Doris, et Lance, un échalas blond, ils sont tous les deux plus âgés qu'eux, joués par Tom Taylor. Mais ils viennent d'arriver, en fait, Bedders et Alex viennent d'arriver dans la grande école, en fait, ils viennent d'entrer au lycée, voilà. Plus ou moins, ouais. Et c'est les deux plus âgés qui les martyrisent. Mais tout va changer quand Alex retire Excalibur d'un bloc de pierre qui est sur un site en construction et que Merlin lui rend visite en lui expliquant que Morgane, une diabolique enchanteresse qui avait été enfermée sous terre lors des âges sombres quand le roi Arthur était encore là, va profiter de la division du pays, le fait que le pays est divisé, il n'y a pas de leader. Tout va mal, Steven Pinker n'est pas dans les médias, ce qui est un positif par contre. Ça. Tout va mal. Elle profite de ça et du fait qu'il va y avoir une éclipse solaire totale dans 4 jours pour pouvoir ressurgir de sa prison et envahir le monde avec une armée de morts-vivants. Et lui seul, qui a tiré Excalibur, peut contrer cette invasion. Il va donc, avec Bedders, s'allier à leurs anciens tortionnaires Lance et Kay et se lancer dans une quête pour essayer de vaincre Morgan. Il n'a pas beaucoup d'indices sur le sujet, sinon un livre de chevalier de la table ronde qui lui a été légué par son père. Alex n'a pas connu son père. Et il va donc se lancer sur une quête à la fois de son père et de la légende arthurienne pour essayer de combattre cette invasion. Je pense que ça, c'est le synopsis en deux mots. Donc vraiment, je crois que le synopsis IMDb, c'est vraiment genre une bande de jeunes s'allient pour combattre une invasion de morts-vivants, ce qui est techniquement le bon synopsis. Du coup, les trailers, je vous conseille de ne pas en regarder. Personnellement, il y a trop du film, c'est un de ces problèmes classiques. Il y a trop du film dedans, il y a des scènes, ça vous donne une mauvaise impression, je pense, du film. Donc si ça vous donne envie, je vous conseille d'aller le voir. Personnellement, j'ai été agréablement surpris. Donc Antoine, en deux mots, qu'est-ce que ce serait toi c'est comme j'ai dit, hein, c'est non seulement l'esthétique, effectivement, c'est très kitchen sink fantasy et science-fiction britannique, et ça se ressent aussi dans le ton, dans le jeu d'acteur. C'est très similaire, en fait, j'ai l'impression d'avoir vu un peu... J'ai bien aimé, hein, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir déjà vu ça quelque part, en fait. C'était vraiment, c'était pas très innovant, en fait. C'était ce côté très, voilà, ça aurait pu être un épisode étendu de classe. T'avais les mêmes stéréotypes, les deux personnages un peu plus âgés, qui sont un peu tortionnaires parce qu'ils sont pas à leur plat, qu'ils sont pas un peu, qui font ressortir sur les plus jeunes, leurs plus jeunes victimes, leurs actions du passé. Il y a les deux jeunes un peu, qui viennent d'entrer dans un monde un peu trop grand pour eux. Non seulement l'esthétique générale, mais vraiment aussi la vibe, effectivement, d'une bande de jeunes un peu incompris, dans une société un peu divisée et froide et problématique qui doivent... Donc ce que tu dis, c'est que c'est un bon film sur le Brexit, en fait. Bah, effectivement, c'est la critique qui est ressortie beaucoup, hein, si vous relisez les critiques du film. Les critiques anglais, ils sont complètement... C'est le film, le King Arthur dans Brexit Britain. Je sais pas si... Ouais, il y a ce côté un peu... le manque d'espoir aussi qui est très là, qui se retrouve aussi dans certaines de ces franchises comme justement Class, on a vu Doctor Who parfois aussi, et il y a ce côté un peu du coup de plucky heroes qui arrive à restaurer l'espoir, qui est aussi vraiment très fort là-dedans. Donc finalement c'est du terrain assez connu, c'est assez bien exécuté, c'est très beau, c'est un joli film, effectivement c'est bien filmé. Après ouais, je dirais que c'est pas très très innovant, il y a quelques twists effectivement et des petits trucs sur le fait que finalement c'est pas tant à propos de l'héritage mais à propos de la valeur personnelle, et c'est ce qui devient un classique de la fantasy aussi finalement, c'est ça, hein, c'est l'universalité du message qui est passé devant. Après c'est vraiment comme tu l'as dit, hein, les deux, il y a deux trois personnages qui sortent un petit peu du lot par moment. Effectivement le personnage d'Alex, je le trouve un peu plan-plan comparé aux autres. Le personnage de Beders qui est un peu qui le pousse un peu à être héroïque, le personnage de Kay qui est un peu la qui est une des deux tortionnaires, qui est effectivement cette à mi-chemin entre... tu sens qu'elle devrait être plus sympathique qu'elle ne l'est, puis qu'elle suit un peu Lance par... Tu sais pas trop pourquoi, elle a un petit speech sur ça, justement. C'est très... J'ai vraiment l'impression d'être en terrain inconnu, mais c'est agréablement exécuté, en fait. Moi, je te rejoindrai là-dessus. Je dirais, c'est étonnamment décent. Genre, j'ai été vraiment surpris, parce qu'en voyant les trailers, je m'attendais vraiment à un film Disney Channel, en fait. Je m'attendais à ce que... Oui, on s'attendrait à ce que ça marche moins bien, en fait. En voyant les trailers, je me suis dit, OK, les blagues vont tomber à plat, le jeu d'acteur va être mauvais, ça va pas être drôle, ça va pas être... Ça va être dans le genre de Avalon High, tu sais, ce film de arthurien qui se passe dans un lycée américain. C'est ça, mais je m'attendais à ça. Je m'attendais au type d'image un peu noyé dans la guimauve lumineuse. Je m'attendais à ce que les sets soient mal faits. Et en fait. Que tout soit un peu trop brillant. Que tout soit voilà, exactement. Et en fait, non. Je trouve que la photographie est très bien faite. Bon, ils ont un relativement gros budget, par rapport, par exemple, à Attaque de Bloc. Ça permet aussi d'aller filmer à l'endroit, quoi. Ils vont à Stonehenge, ils vont à Glastonbury, ils vont à Tintagel. Ils ont beaucoup de situations. Enfin, tu fais un peu le tour justement de toute la mystique un peu arthurienne aujourd'hui. D'ailleurs, il y a un peu des blagues sur justement le côté touristique de ces endroits-là où on voit ça mis en scène. J'ai beaucoup aimé. Mais tout ce qui est photographie, montage, même jeu d'acteurs, ils sont relativement jeunes. Bon, ils sont toujours un peu plus âgés que leurs personnages, mais vraiment, j'ai été surpris en bien par ça. Il n'y a aucun moment où je me suis dit. Où j'ai été sorti du film, où j'ai été choqué, j'ai vraiment passé un bon moment, le rythme est bien. Maintenant, le vrai problème, c'est que c'est très cliché. La première scène, c'est « Alex, tu vas être en retard à l'école !» Ok, tous les films commencent... C'est un peu comme le début de Spider-Man Into the Spider-Verse. « Oh non, vite, rassemble tes affaires et va à l'école, tu es tout le temps en retard. Prends ton toast d'animé et mets-le dans ta bouche avant de courir pour prendre le bus. » On est vraiment dans le cliché. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que ça remplit un créneau dont j'ai l'impression qu'il y a 50 films qui ont été faits sur ce sujet-là, genre un jeune qui trouve l'épée Excalibur et qui doit s'en servir pour montrer à quel point il est... pour sortir un peu de son quotidien, un peu une espèce de power fantasy. Mais en fait, il y en a très peu qui ont cette qualité-là et qui remplissent ce créneau. Je pense que c'est précisément parce qu'il y a un tel bagage, en fait. Il y a tous ces films, tous ces exemples, en tout cas télévisuels, mais on trouve aussi des exemples cinématographiques. Hein. dans, disons, le cinéma et la télévision anglaise, qui du fait qu'ils aient ces exemples-là, qui sont plutôt qualitatifs, il faut bien le reconnaître, Classe arrive à être crédible malgré le petit budget et les problèmes inhérents à la relative faiblesse de l'écriture, finalement. Là, ils arrivent finalement à tourner tout ça de façon relativement agréable sans que ce soit complètement ridicule. Et je pense que le fait qu'il y ait des trucs comme typiquement Doctor Who ou Sarah Jane Adventures ou bien Torchwood soit finalement un avantage du côté anglais. Il y a une espèce de... Ouais, on a l'habitude, on va pas tourner ça en une espèce de version ridicule d'un high school movie classique, en fait, là où Avalon High, par exemple, ou même des choses comme Percy Jackson. J'ai toujours eu beaucoup de problèmes avec des choses comme Percy Jackson, par exemple, parce qu'il n'y a pas ce côté un peu, ce poids un peu, cette volonté d'être crédible, quelque part, qui est toujours un peu, il y a toujours un peu trop d'ironie dans les versions américaines, j'ai trouvé. Alors que là ça s'intègre mieux un peu à la chose. Je sais pas, quelque chose comme Harry Potter, par exemple, tu sais pas si ça fonctionnerait aussi bien si c'était dans un milieu américain avec le bagage américain classique, en fait. Ouais. Tu vois? Alors que là, ça s'y intègre relativement agréablement. Typiquement, la mythologie arthurienne n'est pas présentée de façon littérale. On n'a pas de scène qui se passe à l'époque d'Arthur, en fait. On a une scène animée, donc qui illustre le livre, mais on ne va pas nous dire, ah voilà, à quoi ça ressemblait, comme dans, je sais pas moi, le film, ah oui, il y avait le film Les Transformers, qui se passait à l'époque d'Arthur, et on avait du coup, on pouvait se dire, mais c'est pas crédible, ça marche pas. Alors que là, le côté, c'est des légendes du passé, les seuls personnages vraiment arthuriens qu'on voit, c'est Merlin et Morgana, et qui sont relativement justement crédibles. La Dame du Lac apparaît de façon, c'est pris au sérieux. Il y a quelques trucs qui fonctionnent pas entièrement, je trouve, par exemple la façon dont ils font des incantations, c'est pas sous Naruto, en fait. Moi j'ai bien aimé, en fait, la façon qu'ils font leur chakra avec les mains, Naruto. Je vais être contre toi là, je trouve que j'ai bien aimé, c'est parce que ça m'a sorti du truc, moi, quand j'ai... Personnellement, c'est parmi les choix où je me suis dit, ils ont un truc distinctif, au lieu de faire un truc où ils disent juste des mots en latin, ils ont un système de magie qui est marrant visuellement. Non, moi je veux dire, il y a quand même un peu d'ironie. Il y a deux trois moments où justement ils font un petit peu, genre, c'est un petit peu ridicule toute cette légende arthurienne, mais disons ça se marie bien, ça se marie de façon harmonieuse. Marie bien, et c'est pas un film idéaliste non plus. C'est-à-dire qu'il y a pas cette idée de ouais, j'ai trouvé Excalibur, donc maintenant tout le monde est uni. Il y a quand même une espèce de cynisme derrière. Genre, il y a de l'espoir, mais il y a aussi quand même ouais, ok, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas juste trouver une épée magique et puis j'ai résolu tous mes problèmes. Et ce que je veux dire, c'est que en voyant le trailer, on comprend que ça va être une espèce de power fantasy, donc je suis un jeune gosse qui se fait martyriser à l'école, on me harcèle, etc. Mais je trouvais que c'est l'allure, et puis maintenant, je vais montrer à tout le monde. Mais l'idée derrière, c'est une idée d'unité, je vais réussir à tabasser mes bullies, mais je vais m'allier avec eux, et puis je vais faire ce qu'Arthur faisait, c'est-à-dire je vais changer mes ennemis en alliés, ce qu'on a vu encore dans notre dernier épisode, ou dans les deux dernières continuations, où n'importe quel boloss qu'on a réussi à tabasser, maintenant tu peux rejoindre la table ronde. Après, il y a ce côté, je pense que c'est pas tellement dans le fait que ce soit moins cynique ou moins plus sincère. Je pense que par rapport, comme je disais, ce que je trouve un peu cynique ou ironique dans la façon dont une production Disney Channel, par exemple, s'approprierait le truc, ça serait qu'il y aurait une distance trop grande, en fait, que parce que on trouve que c'est inhéramment un peu ridicule de convoquer la légende arthurienne dans une école, on est obligé de faire un truc beaucoup trop faux en aspect, on veut pas l'intégrer trop parce que sinon ça serait trop ridicule. Alors que là, le film n'a pas peur justement de créer une. Typiquement, on pourrait pas avoir, je pense, l'armée d'enfants qui d'un coup se retrouve armée d'épées et de d'armures qui sont justifiées dans l'univers. Il y a une raison pour laquelle ils arrivent à armer tous les enfants de l'école. Et il y a ce côté, par exemple, du use the force que Merlin utilise pour convaincre les adultes d'aller avec leur direction. C'est un peu ridicule, et ils sont un peu ironiques par rapport à ça, mais ça marche parce que du coup, ça permet d'aller dans le truc, en fait. Ça permet d'aller dans le truc, mais par exemple, justement, t'as Merlin, chaque fois qu'on pourrait avoir un problème, t'as Merlin qui va hypnotiser des gens et utiliser un Jedi Mind Trick, genre il va juste hypnotiser les adultes qui pourraient être un problème, parce qu'on veut pas se confronter à ça, on se dit, ça serait un peu encombrant, on le met de côté, et aussi, les enfants qui rejoignent l'armée d'enfants, justement, c'est dans le trailer, c'est parce que ça leur permet de sécher les cours. Genre, il y a Alex qui fait tout son discours inspirant, personne n'est convaincu, mais on leur dit, mais si vous jouez une armée, vous pouvez sécher les cours. Ce qui est cynique et marrant, mais aussi rend ça un peu plus, ancre ça dans quelque chose d'un peu plus réel. C'est ça, ça ancre, si tu veux, c'est pas ancré, c'est pas une distinction où on invite d'un coup un monde magique qui apparaît de nulle part et qui est du coup kitsch, parce qu'il apparaît, il est fait avec les moyens finalement d'un film Disney Channel ou d'une série Disney Channel et avec ce que ça importe de limitations, et que du coup, les limitations et la cohérence de la chose s'en trouve renforcée, en fait. C'est crédible, c'est parce que c'est On dirait, ils utilisent grounded. Tu parlais du terme ancré, c'est vrai que c'est très vrai. C'est un film qui arrive à être assez ancré finalement dans le truc. Je pense qu'on peut parler un peu plus maintenant au détail de l'histoire. Donc ça, c'était un peu notre globalement positif. Pas très, attendez-vous pas à des révolutions, mais honnêtement, en termes de facture, c'est un film qui est bien fait. Je veux dire, les effets spéciaux sont pas géniaux, genre. Ouais, il y a des. Tu pourrais critiquer un peu les effets visuels, mais enfin. Il y a Morgan qui a des lianes qui s'enroulent autour des gens, et puis son armée de soldats, c'est des vilains Dark Souls squelettes en feu, avec des épées en feu, sur des chevals squelettes en feu. Et pas beaucoup plus que ça. Et Morgan est une espèce de semi-dragon, vouivre, harpie. On dirait un design un peu rejeté pour la mère de Grendelt. C'est un petit peu. Oui, il y a un peu de ça. Dans Beowulf, la mère de Grendelt. Alors que moi, j'espère qu'elle va se transformer en dragon à un moment, puis finalement pas. Mais maintenant, du coup, pour l'histoire. Avant ça, je dirais juste. J'aime beaucoup les choses qu'ils ont fait visuellement dans le film. La magie de Merlin. Merlin, il tape sur ses mains, il fait des espèces de claquements de doigts ou tapes de mains que Antoine n'a pas du tout aimé. Moi, j'ai bien aimé parce que je trouve que c'était pas déjà vu et que c'était relativement simple et que ça marchait visuellement. Ou d'autres trucs, quand il y a Alex qui doit transporter son épée, il dit oh, il faut que je la cache et il la met dans son sac et du coup, il y a la lame de l'épée qui perce le fond de son sac. Et du coup, à plusieurs moments, lui et Bader, on les voit se balader avec leur sac à dos, puis il y a l'épée qui est plantée dedans et qui traverse. Et puis je trouve que visuellement, c'est cool parce que ça résume bien le film. C'est un gosse, un collégien avec une épée et puis elle dépasse de son sac à dos. Disons ce que c'est je trouve marrant. Un peu ridicule dans le truc de Merlin, c'est que d'un côté ça marche visuellement parce que l'acteur qui joue Merlin est un. On l'a pas précisé du tout, mais Merlin est joué par un adolescent, est représenté par un adolescent d'après 16, 17, 18 ans comme ça, mm-hmm. qui est joué par un acteur qui s'appelle Angus Emery. Et en fait, la justification c'est que Merlin dans ce film, comme dans beaucoup d'autres, exemples de la matière de Bretagne, il vieillit à l'envers en fait. Donc quand il est vieux, en fait il est jeune et quand il vieillit, il rajeunit. Et du coup, il peut jouer par un jeune. Et par moment, il y a son lui-même vieux qui revient. Ouais. Et il est joué par Patrick Stewart à ces moments-là. Et du coup, c'est pas mal parce que ça permet justement d'avoir les moments les plus dramatiques qui sont soulignés par Patrick Stewart. Mais ça marche pas pour moi. C'est un truc qui marche pas parce que du coup, ça veut dire que c'est quand Patrick Stewart revient, c'est censé être lui-même jeune. Mais ça marche non, à l'inverse en fait. La justification marche pas super bien, mais c'est sur lui-même du passé qui revient. Est-ce qu'il revieillit, est-ce qu'il rajeunit dans ces moments-là parce qu'il est plus faible ou parce qu'il est plus. C'est pas, ça colle pas super. J'aurais bien aimé avoir quelques scènes avec Patrick Stewart dans le passé à la limite ou quand il veut se faire reconnaître ouais. de Morgan peut-être. Mais là, pour avoir les moments un peu de gravitas avec Patrick Stewart, je suis pas sûr que ça marche extrêmement bien. Mais du coup, visuellement, les claquements de doigts et les claquements de mains. Moi, mon problème principal, c'était le son, parce que du coup, il y avait des sons de claquement de doigts ouais. qui ne collaient pas avec les actions qu'il faisait. Ah ouais, donc et du coup, ça m'a sorti du truc. Plus de peine. Ça allait encore avec Angus Emery, mais du coup, quand t'es rappelé du fait qu'il est censé être Merlin aussi, Patrick Stewart, tu t'imagines juste Patrick Stewart en train de faire ces trucs, et ça marche pas aussi bien, en fait. Mais il le fait à 2-3 scènes. Mais oui, mais justement, quand il le fait, ça fait bizarre. Mais moi j'ai pas trop m'allumé. Revenons à l'histoire donc du. Niveau location, j'ai encore un truc. On a dit, ils vont à Stone Age et puis Merlin dit en fait c'est un hub de transport. Ce que j'ai trouvé plutôt simple et marrant et puis pas. Parce que ça servait quelque chose à l'histoire, mais c'était pas juste c'est païen. Et machin. Non, c'est un truc paléolithique, mais je l'ai transformé en hub de transport, de portail et ils s'en servent. On va à Tintagel, on voit d'ailleurs certains bâtiments qui existent vraiment là-bas, etc. On va à la Glastonbury Tor. Je pensais que Tor c'était un mot pour tour, mais en fait non, ça veut juste dire une colline. C'est un mot. Et Glastonbury Tor qui est. Il y a une colline au sud de la Glastonbury Tor en fait. Il y a une colline, il y a une tour qui est une tour médiévale en fait sur la Glastonbury Tor. Donc c'est une tour qui a pas de toit. Ils sont dans la tour, elle est toute petite d'ailleurs. Ils vont dans la tour. Oui, c'est un reste d'un monastère, je crois. Et puis elle a des espèces de terrasses, des espèces de plans en terrasse comme ça le long de la colline. Et du coup, il y a eu énormément de théories un peu néo-païennes sur des cercles sur des alignements de cercles zodiacaux de puissance machin, et sur l'idée que il y a des légendes sur le fait qu'il y a des c'est les fameuses collines de la mythologie galloise et compagnie où il y a les fées qui seraient dedans, ce genre de choses qui seraient dedans. Et du coup, l'idée que Morgan est enfermé là-dessous, c'est pas complet, ça a un léger lien à toutes ces théories là, donc c'est pas si mal de ce côté-là. Un truc que j'ai trouvé débile, il y a la Glastonbury Tour sur le pommeau d'Excalibur, genre à un moment il la voit. Genre, il fait je sais où il faut aller, c'est la Glastonbury Tor. Puis on a un zoom sur le pommeau d'Excalibur et on voit que la Glastonbury Tor est juste sur le pommeau en petit. Et j'étais là, mais on n'a jamais vu ça. Et genre, j'ai trouvé ça super bizarre. Et ils auraient peut-être dû l'établir. Enfin, j'ai trouvé ça bizarre. Mais c'est sympa d'avoir ces quelques landmarks, probablement financés par l'Office du tourisme britannique. Pour, ouais, il y avait peut-être de ça. Je sais pas, c'est un peu. Je trouvais ça presque un peu dommage qu'on soit seulement dans le. Là, je vais épiner. Peut-être un peu dommage qu'on soit seulement dans l'aspect A, Cornouailles et puis Glastonbury, au lieu d'avoir aussi, par exemple, je sais pas moi. D'avoir le Salisbury. On a Salisbury avec Stonehenge, mais on n'a pas. Pour dire le fait que Merlin est présenté comme calédonien, enfin, il y a le. Ouais. Quand Merlin dit son nom complet, c'est Merlinus Ambrosius Caledoniensis. Ouais. On ne voit pas du tout dans l'aspect nord de l'Angleterre, ce qui aurait pu être intéressant, en fait. Ce qui aurait pu être intéressant. Dans la dimension, surtout dans la dimension Brexit, terre isolée. C'est une dimension qu'on est très dans Londres et le sud de l'Angleterre et pas tellement dans le. En fait, on est très dans les endroits traditionnels de la matière de Bretagne et pas dans la Cumbrie ou dans les espaces justement un peu isolés et appauvris de l'Angleterre actuelle. La Cornouaille un petit peu, mais les Cornouailles un peu, mais Tintagel, c'est pas. Je trouve un peu dommage qu'on n'aille pas dans les dimensions un peu plus, disons, celtisantes, les Gododines, le réel Arthur, le vieux Nord. Ça aurait été. Non. Moi qui suis trop là-dedans, mais enfin, ça aurait été intéressant de voir ça, je pense. Ok. Le film commence donc avec Alexander Elliot. Enfin, commence par un montage d'abord animé que j'ai pas mal aimé sur justement Arthur et ses chevaliers qui ont enfermé Morgane et que Morgane attend la division du pays pour ressurgir parce que au moment où Arthur l'a planté, elle a dit je reviendrai quand tu seras parti et Arthur dit The sword. Les gens adorent dire The sword dans ce film. Il y a littéralement un moment où quelqu'un dit The sword has been drawn. Donc on peut gentiment faire un montage des phrases qui sont aussi dans Excalibur. Et ça, ensuite, la séquence animée se finit. Ensuite, on dézoome et on voit que c'est la couverture d'un roman qui est dans un grenier, dans un carton poussiéreux. Et la mère d'Alex, qui est apparemment qui l'élève seule, lui crie de s'habiller, de prendre son petit déjeuner et d'aller à l'école parce que sinon il va être en retard. Il a dû faire des espèces de trucs en papier mâché pour un truc d'astronomie où il a dû faire apparemment un modèle du soleil, de la terre et de la lune. Et il le décolle du papier journal et puis il y a le mot failure qui est attaché dessus. Oh, du symbolisme. Mais sa mère le couvre avec du vernis à ongles rouge. Et il devra ensuite aller à l'école où il se demande où est Bedders qui lui dit, il reçoit des messages de Bedders qui dit je suis suivi. Et tout le long du film, on a le début de l'établissement du premier thème, qui est que le pays est divisé. Donc on a une voix de la BBC qui dit « ce sont les informations, 7h30, le monde voit des autocrates, des dictateurs partout, le monde est divisé, la scène internationale est instable. » Tout va mal. Et le film ne se cache pas forcément. C'est-à-dire qu'on voit justement, ils marchent dans la rue, on voit des SDF dans la rue, démunis. Enfin, c'est pas aseptisé non plus. Donc il y a vraiment l'idée, voilà, le monde est divisé, injuste et moche. Mais c'est pas de façon purement abstraite, quoi. C'est pas juste comme on verrait justement dans Excalibur où tout le monde est en train de ratisser de la boue et couvert de saleté, c'est des problèmes relativement concrets, bien sûr un peu adaptés pour enfants. Bedders se fait tabasser par Kay et Lance et justement Alex s'interpose, qui déclenche une bagarre. Il est convoqué, il veut pas expliquer pourquoi il a fait ça, il est réprimandé, sa mère lui demande pourquoi il s'est battu et puis il a un bleu à la tête, mais il dit que ça empirerait simplement les choses de le faire. Et puis elle lui dit non, ton père aurait voulu que tu sois une bonne personne, etc. Le lendemain, il voit un nouvel élève arriver à l'école, qui se trouve en fait être Merlin, qui apparemment émerge de on sait pas où à poil. Et il émerge de Stonehenge en fait. Il y a une scène où il arrive depuis Stonehenge et puis il arrive dans un pub où il a la scène Terminator, sauf que bah, évidemment il parle un anglais un peu archaïque, donc il lui dit puis-je avoir votre smock, enfin votre chemise. Et puis en fait il arrive habillé avec rien d'autre qu'un t-shirt Led Zeppelin, une espèce de robe de chambre et puis des espèces de training. Puis ensuite, il marche sur l'autoroute et il se fait arrêter par la police l'interpelle et puis il dit « Mais officier, ce n'est pas interdit. » Puis il dit « Oh, vous avez un chariot. » Bon, mais il les hypnotise avec sa magie. Oui, c'est ça aussi. C'est là qu'on voit l'efficacité narrative du film. Bah, il y a des policiers. Alors, plutôt qu'avoir une longue scène où il doit se débattre et puis il les hypnotise, puis il les utilise. Et c'est ça, en fait, qui rend le truc un peu grounded, ancré, si tu veux, dans le réel. C'est que, bah oui, c'est un peu ridicule, mais du coup, on s'en sort en continuant à parler, en restant dans le. Il y a cette distance qui est bien exploitée, en fait. Hein, on saute les problèmes. Et aussi, je trouve que le film n'est pas mauvais pour établir des choses et les réutiliser plus tard. Je sais que c'est débile et dire. C'est vraiment une barre très basse, mais il y a beaucoup de films qui passent pas ce test. Genre Merlin débarque et il a l'air un peu affaibli, puis il demande est-ce que vous avez de la poudre d'ossements d'animaux, du sang de cafard et il a besoin d'ingrédients pour une potion. Puis il dit quoi, l'urine de castor. L'urine de castor. Puis ça veut dire quoi? Et puis bon bah plus tard ça va revenir. Et aussi le fait qu'Alex soit en train de faire dès la première scène des trucs en papier mâché du soleil et de la terre, ça permet de mettre en scène le thème de l'éclipse qui est cliché au possible, mais le fait qu'il ait introduit dès le début de manière un peu indirecte, ça rend le truc un peu plus digeste, j'ai trouvé. Et donc, Merlin arrive à l'école en termes de nouvel élève et là je suis Mertin calédonien Ambrosius, je suis un écolier parfaitement normal, et puis, il se comporte bizarrement et tout le monde se fiche de sa gueule et puis Alex et Bellers Alex dit Bellers, c'est la première fois qu'il y a un type qui est encore plus bullyable que nous, qui va se faire encore plus torturer que nous, on ne doit pas s'approcher avec lui. Et puis basiquement il se dit il va se faire tabasser à notre place et c'est très bien. Et malgré le fait qu'il a l'air d'avoir 25 ans on ne sait pas ce qu'il fait dans cette école. Et puis il y a une scène assez drôle je trouve où pendant la classe d'astronomie ils sont là et vous faites passer votre lune en papier mâché devant la Terre et vous voyez que l'éclipse va faire que puis t'as Merlin qui est là dit upcoming eclipse, l'éclipse qui va venir bientôt, puis t'as Merlin qui est là upcoming, quand est-ce qu'elle va avoir lieu? Bah dans 4 jours. Quoi, 4 jours? Mais je pensais que c'était 4 ans. Je n'ai pas le temps. Puis il se met justement au milieu de l'école, il se met à faire un esclandre où il hurle à Alex tu as tiré l'épée etc, parce que la nuit d'avant Alex a été sur le chantier et a tiré l'épée du bloc. Il s'était fait poursuivre sur le chantier par ses deux tortionnaires, justement. Il a sorti l'épée, il ne sait pas trop quoi en faire. Il la montre à Bellers et ils arrivent à Google Translate le latin qui est sur la poignée, puis qui dit Gladius Arthuri. Je me demande ce que ça veut dire. Bon, le glaive d'Arthur, Filius Tintagel, je crois, donc fils de Tintagel, ce qui est un peu bizarre d'ailleurs. Moi j'ai pensé que c'était assez intéressant parce qu'il y avait tout un thème sur le fait que la filiation c'était pas si important et que l'important c'était le mérite et le cœur et puis la vertu etc, et puis pas le fait d'être l'héritier. Et du coup le fait que Arthur s'appelle fils de Tintagel au lieu de fils d'Uther par exemple, ou au lieu d'Arthur Pendragon, et que l'intro est pas entièrement claire et dit que l'épée a désigné Arthur comme l'héritier d'Uther et pas explicitement comme son fils, même si tout le monde dit que Morgan est sa demi-sœur. Je pensais que ça allait être plus exploité, qu'il allait dire en fait Arthur n'était pas le fils du terre, c'était juste un pecno valeureux, mais ça revient pas. Et donc Merlin fait une scène au milieu de l'école et il dit tu dois rassembler tes alliés, tu dois ramener tes mets ton armure, prends ton épée, rassemble tes alliés. Et puis il dit non, on va pas réussir à faire ça parce que on est trop jeune et trop nul. Mais donc je trouve que ça marche assez bien parce que ça met explicitement en scène toutes les angoisses d'Alex, qui est vraiment le souffre-douleur de son école. Et puis c'est la pire chose qui pourrait lui arriver, qu'un type bizarre vienne hurler dans son école et lui dise attire le ridicule sur lui. Et ça participe de nouveau à cette espèce de d'ancrage du truc, tu sais, dans un film peut-être un peu moins qui aurait été moins crédible. Justement, le Merlin serait arrivé en chevauchant un cheval et puis il aurait chevauché jusqu'à l'école et puis personne n'aurait vraiment prêté attention à lui. Et je pense que quelque part le fait que ce soit traité de cette façon-là ancre aussi dans le réel le truc, en fait. Non, c'est bien. Il n'y a pas trop d'éléments fantastiques qui sont amenés d'un coup, en fait, aussi. C'est aussi ça qui participe au truc. Il n'y a pas 15 chevaliers qui apparaissent sortis de nulle part. Ils ne sont pas armés en côte de maille dès le début du film. Il y a une espèce de progressivité dans le truc. Il y a l'épée, il y a Merlin. Et c'est à peu près tout, en fait. Non, puis il y a beaucoup de films qui prendraient ça, où ils prendraient la power fantasy, le fantasme de pouvoir, beaucoup plus littéralement, où ce serait le gosse bizarre a maintenant des pouvoirs magiques, et puis un type qui vient l'aider, et puis tout le monde le trouve cool subitement. Là, non, tout le monde le trouve encore plus ridicule, et puis c'est ça qui fait qu'il refuse la quête, parce que justement, il mentionne un moment, c'est comme Harry Potter et Luke Skywalker, ils connaissent pas leurs parents, et puis d'un seul coup, ils sont amenés dans une quête magique, il le mentionne explicitement. Là, le refus de la quête, c'est pas par peur de quitter le monde ordinaire. Il aime pas le monde ordinaire. C'est plus, à mon avis, c'est un des problèmes qu'on a eu avec Harry Potter. C'est que Harry Potter, à aucun moment, il se dit, je vais être ridicule dans ce monde de sorciers ou quoi que ce soit. C'est vraiment une échappatoire. Ma vie, c'est de la merde et puis c'est tout bénef. Parce que là, le fait que ça débarque, j'ai honte et ça va empirer les choses et puis ça va m'attirer encore plus de problèmes. C'est quelque chose de peut-être différent, ou en tout cas plus intéressant par rapport à beaucoup de fantasy où l'arrivée de la magie résout tous les problèmes, en fait. Il veut avoir rien à voir avec tout ça, mais la nuit, Excalibur se met à briller et il y a une espèce de mort-vivant qui sort de son jardin, envoyé par Morgan, qui est apparemment sous terre et qui téléguide toute une armée de mort-vivants qui va devenir de plus en plus forte à mesure que l'éclipse approche. Un squelette enflammé qui vient ravager sa maison. Sa mère a inexplicablement disparu, il comprend pas pourquoi. Il va voir dans le champ de sa mère, elle est pas là. Il se bat avec son épée, mais il est immédiatement surpassé par le squelette. Et Merlin le sauve, c'est-à-dire qu'il lance le squelette qui se dissipe, et puis il voit Merlin par terre, qui est apparemment très affaibli, et qui dit « je vais devoir me barrer ». Parce que oui, Merlin arrête pas de se changer en hibou, en fait. Quand il éternue, apparemment, ça forme un peu standard, et ça lui coûte de l'énergie d'être après le coucher du soleil, il peut pas être... C'est Gauvin, en fait, il se combine avec ça. Quoi. Non, il doit être là soit la journée, et puis il a besoin justement de cette espèce de potion dont il parlait avant pour se régénérer. Entre-temps, Alex avait adoubé Bedders par blague, en fait, il l'avait fait, « I knight thee, see Bedders », puis bien sûr, Bedders, c'est Bediver, pour l'instant, voilà. Et il l'avait adoubé, puis en fait, justement, Merlin lui dit « Tu as l'épée, donc seul toi peux voir les mortes milius », qui veut dire bon, « Les soldats morts, c'est pas très compliqué, c'est mort-vivant. Il y a que toi qui peux les voir, parce qu'ils sont là pour te buter, toi. Et le temps s'arrête et tout le monde disparaît à part toi. Et ceux que tu as adoubés, en fait. Donc c'est pour ça que tu vas devoir adouber plein de gens si tu veux avoir de l'aide contre eux. » Et aussi, c'est pour ça que ça offre une façon assez simple de justifier la présence, justement, de morts-vivants enflammés dans les rues de Londres et dans le combat contre ces morts-vivants. Du coup, les personnes normales ne peuvent pas les voir. Quand ils sont confrontés après plus tard à une bande de personnes normales qui les aident d'un coup, puis d'un coup ils disparaissent. C'est ancré aussi dans quelque chose de justifié. Ils ont bien pensé à leur truc finalement. Ils ont bien pensé à leur truc et honnêtement, le mécanisme marche assez bien parce que les deux prochaines scènes, c'est justement que Merlin lui dit retrouve-moi là, puis il lui montre un flyer pour une espèce d'endroit où tu peux bouffer une espèce de rip-off de KFC où tu peux bouffer des seaux de poulet frit. Et il le retrouve là-bas et il dit ah, je galérais à trouver du sang. Le sang de cafard. Non, je crois qu'il parle de. Ouais. De cochenille ou du sang de Beetle, c'est le scarabée, donc cochenille probablement, en fait, vu de quoi il Beetle parle. Ou scarabée, des os broyés, puis il dit bah, des os broyés, on a plein, c'est chicken nuggets, dans cette glace, il y a plein de pistes de castor parce pour l'arôme de la vanille. Vanilline, ouais. Parce que la vanille vient de pistes de castor. Puis donc invigorating, puis donc il mange. Puis ça doit être de la cochenille justement, parce que le sang de scarabée est utilisé comme colorant pour le sirop. Pour le sirop, puis du coup il arrive à régénérer. J'ai trouvé ça assez marrant parce que c'était un peu une semi-critique du fast-food et puis de la bouffe moderne. Et puis donc les deux, Bedders et Alex, sont dégoûtés. Alex dit non, on n'a rien à voir avec ça, j'ai 12 ans, je vais jamais réussir à lever une armée, je vous rends votre épée et puis je me casse. Et puis là, Merlin justement snap et se change en Patrick Stewart et il fait léviter tous les objets de la pièce et il fait apparaître une vision de à quoi ressemblera la Bretagne si il n'arrête pas Morgane. Puis on voit que tout le monde est esclavagisé, il y a un dragon qui vole dans le ciel en cramant tout, ils sont tous enchaînés, une vision terrible. Et puis ils se réeffondrent sur le canapé et du coup ils se disent bon bah... qu'est-ce qu'on doit faire? Puis il dit, c'est toi le roi, tu dois savoir ce que tu dois faire. Puis il dit, oh, mon père m'avait légué ce livre des Chevaliers de la Table Ronde. Il avait dit, oh. Et il voit que le livre dit, To my once and future king, signé Dad. D'ailleurs, j'ai trouvé bizarre que ce soit signé Dad et pas un nom, mais bon, je sais qu'il y a des parents qui font ça. Et il compare sur le piédestal où il a enlevé l'épée, puis on voit que justement, celui qui enlève l'épée sera le Once and Future King, donc le Rex Condam, Rex Quae Futurus. Et il dit, c'est assez marrant parce que si tu... C'est un peu bizarre comme formule quand même, parce que Rex Condam, ça veut justement dire feu le roi mort en fait. Mm-hmm. C'est une phrase latine, hein, c'est pas seulement utilisé dans le Condam, quand tu vas de ça dans un document médiéval, c'est pour parler de quelque... c'est comme on dirait feu en fait. Ouais. Donc je trouvais ça un peu bizarre comme formulation en fait. C'est pas ce qui est marqué sur l'épée dans Malorys, hein, dans Sacha Malorys, c'est qui tira cette épée sera le vrai roi de l'Angleterre, un truc du genre. Rex Condam, c'est vraiment une inscription qui est sur la tombe d'Arthur à la base. Mais ce qui est marrant, c'est que si tu connais l'expression Once and Future King, t'es un peu spoilé l'histoire parce que tu te dis le fait que ce soit dédicacé dans le livre est anodin parce que c'est une phrase courante dans la légende arthurienne. Le fait que son père, alors que Alex immédiatement interprète ça comme ah, mon père doit connaître tout ça parce que ma mère m'a dit qu'il avait des démons. Ah, des démons, donc ça veut dire qu'il devait combattre ce genre de démons et qu'il doit être lié à cette quête et il va pouvoir me mettre sur la quête. Puis Merlin me dit c'est une bonne idée, tu devrais essayer de trouver ton père qui est en Calédonie d'ailleurs. Apparemment, son père vit à Tintagel, donc c'est pratique. Alex, ils sont donc sur le chantier. Lance et Kay viennent les bastonner. Alex replante l'épée ils disent donne-moi cette épée et tout. Alex la replante dans la roche et dit bah vas-y, prends-la. Et ils n'arrivent pas. Il dit je suis le seul à pouvoir la prendre et je vous laisserai jouer avec si vous me laissez vous adouber. Puis alors, il dit oh, vas-y, faisons-le. Puis après, il essaie de lui voler l'épée. Mais bien sûr, les Mortes Milius resurgissent et ils peuvent les voir parce qu'ils viennent d'être adoubés par Alex. Et donc, ils vont devoir les combattre. Et puis Lance se fait bien sûr subjuguer immédiatement. Ils réussissent à s'entraider. Il balance apparemment un produit inflammable sur les morts-vivants, ce qui est stupide parce que ça les rend encore plus en feu, donc c'était pas une très bonne idée. Il s'enfuit, il voit que tout le monde a disparu, toutes les voitures sont arrêtées, et il se dit bon, on va prendre cette voiture. Il saute dans une voiture et ils arrivent à en shooter un, et il se lance dans une course-poursuite avec l'autre, et Kay conduit, puis elle dit où est-ce que t'as appris à conduire? Bah Mario Kart. C'est un peu une des parts du personnage de Kay en fait, c'est cette fille qui dit... Il y a deux moments, il y a un moment où elle dit j'ai appris à conduire dans Mario Kart, et un moment où ils doivent chevaucher des chevaux, puis elle dit ouais c'est comme à la télé, tu tires à droite pour aller à droite, tu tires à gauche pour aller à gauche, tu te laisses et tu dois rebondir avec la selle. Donc elle a ce côté, elle a pas vraiment un personnage dont les personnages sont vraiment pas très développés, mais elle a un de ses traits qui est que apparemment elle consomme de la fiction puis elle s'en sert dans l'histoire pour faire des trucs dans la vraie vie, ça a l'air d'être un début de... c'est une esquisse de personnage, vraiment. Ouais, c'est ce que je trouve un peu dommage avec justement Kay, qui est justement cette jeune fille, donc un peu... Tu dirais qu'il y aurait de la possibilité pour quelque chose de plus intéressant. Autant Lance, bon, bah, c'est le beau gosse un peu arrogant, bully générique. Tu pourrais dire qu'elle aurait pu avoir quelque chose de plus intéressant derrière, je sais pas. Les personnages à part Alex sont un peu sous-exploités en général d'ailleurs, hein. Bellers aussi. Alex a deux histoires, il y a l'histoire globale et puis la quête de son père justement qui va commencer à ce moment là mais donc la course poursuite se finit, ils arrivent, et justement je me demandais, mais du coup ça veut dire qu'il y a une meuf qui va se réveiller hors de sa bagnole et puis elle aura plus sa bagnole, et en fait ils arrivent à shooter le deuxième chevalier en feu qui leur courait après, et puis le monde revient, enfin tout le monde ressurgit dans le monde, et puis du coup il y a la dame qui réapparaît sur le siège de sa bagnole sous quai, puis donc tout le monde se met à hurler parce que la dame a une jeune fille qui lui est apparue sur les genoux et qui est en train de conduire. Ils arrivent dans un carrefour, ils s'enfuient, ils disent mais qu'est-ce qui se passe? Bon bah Lance dit bah venez tous chez moi et puis je vais vous tabasser si vous m'expliquez pas tout. Alex lui explique tout, voilà c'est vrai, j'ai chopé Excalibur machin, il doute un peu. Mais ils finissent par se laisser convaincre. Puis Alex dit, mais vous comprenez pas, nous sommes... Arthur avait une table ronde avec ses chevaliers. Et regardez-nous, Lance, comme Lancelot, Kay, comme Kay, et Bedders, comme Bedivere. Nous sommes... Puis peut-être Lance qui dit, bah, qu'est-ce qu'il aurait... Puis il dit, mais c'est vos noms, c'est le destin, quelque chose est en train de se passer, là. Et regardez-nous, ils étaient autour d'une table ronde. Regardez où on est. Puis là, ça dézoome, puis on voit que la table est carrée. Puis il fait, vite, Bedders, sortons les flaps. Puis ils sortent les flaps, puis du coup, la table est ronde cette fois-ci. Honnêtement, ça se voit que Joe Cornish a un peu d'expérience dans la comédie parce que les blagues sont simples, mais le rythme comique est bien géré, ce qui n'est pas toujours le cas dans les films pour enfants. Et d'ailleurs, j'aurais été intéressé à le voir dans un cinéma parce que généralement, c'est très drôle de voir que les enfants et les adultes rient pas au même moment. Et je pense que c'est un film où ça pourrait marcher un peu mieux, mais je suis pas sûr. Donc j'aurais été intéressé à voir la réaction d'une audience enfantine à ce film dans un cinéma, parce que beaucoup des films Pixar ou DreamWorks maintenant, t'as des blagues un peu... pour les enfants, puis t'as des blagues un peu plus pour les adultes, et ça crée un peu un film à deux vitesses, ce qui là, à mon avis, n'était pas le cas, et c'est cool de voir que ça existe encore. Alors, avant de continuer, je propose qu'on fasse une petite pause musicale, et on se retrouve juste après. So you think I'm alone. Cause in this C'était Cold War de Janelle Monáe. On est de retour dans Rex Condam, Rex Que Futurus. On parle de The Kid Would Be King, un film de Joe Cornish. Et on retrouve nos héros juste après qu'ils aient remporté une première bataille et qu'ils s'apprêtent à partir à l'aventure. Donc, ils ont réussi à battre ces joyeux. Puis dit, bon, bah, demain, on va sécher les cours, aller à Tintagel. Merlin les aide à se hypnotiser un chauffeur de bus pour aller à Tintagel. Mais en chemin, il dit, vous devez suivre le code chevalerique. Puis en fait, Lance et Kay sont des bullies. Ils sont là, ouais, parle-nous pas, on est là que pour la baston. Et il dit, mais c'est pas comme ça que doit parler un chevalier. Vous devez respecter le code chevaleresque. Quoi, vous ne connaissez pas le code chevaleresque? Merlin fait arrêter le bus, genre, stop this carriage at once. Ils descendent et ils se mettent à marcher en direction de la Cornouaille. Puis il dit, mais on va pas réussir à marcher jusqu'à Tintagel. Puis il fait, non, mais on va utiliser un raccourci. Mais... ils vont en fait à Stone Age pour utiliser le portail, mais il dit avant ça, il faut que vous sachiez le code de chevalerie. Il faut que tu honores ceux que tu aimes, puis ah ouais, c'est facile, tu dois toujours dire la vérité, tu dois jamais abandonner. Je crois que c'est ces trois, je sais plus s'il y a d'autres, mais voilà, il donne le code chevaleresque, il dit vous devez les respecter, parce que si vous les respectez pas, vous arriverez pas à tuer Morgane. Pour tuer Morgane, il faut être pur de cœur et il faut respecter tout ça. Donc il s'en va. Ils s'en vont en direction de Stone Age, ils prennent le portail et ils arrivent à 20 milles de Tintagel, 20 miles, et du coup ils vont marcher dans cette direction. Il faut aussi dire qu'Alex avait laissé un mot à sa mère que j'avais trouvé assez marrant, genre « Going on quest to save Britain, don't worry », puis il avait juste laissé ce mot-là que j'ai trouvé assez rigolo. Mais donc ils sont toujours en cavale dans cette direction, ils font une pause à un moment, puis ils s'effondrent, ah, enfin, on va pouvoir se reposer, puis on a dit « Non, on va pouvoir s'entraîner ». Merlin utilise un sortilège de démultiplication du métal pour multiplier Excalibur et que tous les enfants en aient une copie en fait, et Bedders le filme avec son téléphone portable parce qu'il dit je vais essayer d'imiter ce que vous faites avec pour voir, et ensuite Merlin rend des arbres vivants pour qu'ils puissent se combattre des arbres, donc il y a une petite scène où ils se battent un peu contre des Ents, puis les arbres sont pas spécialement offensifs, en fait ils sont en train de les entraîner, donc ils essayent de les aider à ajuster leur pose ou à ajuster, donc voilà une petite scène d'entraînement. Mais Morgane veille. Après la réunion à la table ronde, on avait entendu Morgane qui avait dit oh, ils sont divisés, Lance va convoiter l'épée, va essayer de prendre Excalibur pour lui-même, ils sont pas fidèles, basiquement elle dit je vais exploiter leur division. Elle utilise ses pouvoirs pour changer les arbres que Merlin a fait. Pendant ce temps, Merlin est en train de chercher de la bouffe apparemment, mais elle les change en arbres maléfiques. Et donc les arbres commencent à être vraiment méchants, ils commencent à être entourés, attachés par des lianes dans le sol. Et Alex est en train d'être englouti dans le sol par des lianes, et il appelle à l'aide, et Lance lui dit « If you were the once and future king, you'd help yourself. » Si tu étais le roi une fois et le roi à l'avenir, tu pourrais te tirer de ce pétrin tout seul. Donc Lance vole Excalibur et s'enfuit avec, et il continue à se battre avec Kay. Il lui dit justement, il y avait une scène au début, pendant qu'il martyrisait Bedders, il disait « I'm the king around here, c'est moi le roi autour d'ici, je me demande si ça va revenir plus tard. » Et du coup il dit « Je te l'ai dit, c'est moi le roi par ici. » Donc Lance usurpe Excalibur, mais il est lui aussi subjugué par les lianes. Alex appelle Merlin à l'aide, qui l'entend, et qui réussit à lancer un sortilège qui détruit les arbres. Merlin, l'énergie de Merlin est complètement drainée par ça, et il dit « Oh, jusqu'au lever de soleil demain, vous êtes seul. » Puis l'éternu, il se change en hibou, et puis tout rabiboché, il vole au loin. Et donc c'est un peu le midpoint du film, on arrive à peu près à une heure du film, ils sont un peu désespérés. Ils continuent à marcher dans la direction de Tintagel, et ils arrivent dans un marécage, ils continuent à marcher dans l'eau, ce qui est un peu stupide, mais voilà, ils arrivent avec de l'eau jusqu'aux genoux, puis de l'eau jusqu'à la taille, et puis on se dit, je me demande s'il y a une... Là, honnêtement, le film est très, très télégraphié, parce que quand j'ai vu cette scène, je me suis dit, je me demande s'il va y avoir une fameuse personne qui vit dans des étendues d'eau aquatiques, qui va surgir, vu qu'on a en plus eu un épisode où maintenant Lance a usurpé Excalibur, donc il garde Excalibur pour lui, et il continue à marcher dans cette direction. Bedders challenge Alex ne veut pas challenger. Il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'Alex veut pas, il a genre non, je veux pas me friter avec les gens parce que ça va faire du bordel, mais quand Bedders est menacé en fait il le défend, donc il se défend pas forcément pour lui-même mais il défend les autres, et donc la même chose se produit. Bedders dit non, tu m'écoutes jamais mais je dis toujours la vérité. Il essaie de se confronter à Lance qui le fout par terre. Alex confronte Lance, ils se battent, et puis Excalibur est brisé. Donc si vous pensez à la scène de Excalibur, c'est exactement la même scène, plus ou moins, où par orgueil, Excalibur est brisé, cette fois-ci c'est Lance qui la casse. Mais dans Excalibur, on avait Arthur qui cassait l'épée dans un duel contre Lancelot. Donc je pense que c'est assez marrant, parce qu'on voit que Excalibur qui avait recyclé une scène de Mallory pour intégrer Lancelot, bah maintenant, on associe cette scène à un duel entre Lancelot et le stand-in pour Arthur. Je trouve ça assez intéressant. Donc c'est le moment de désespoir. Lance et Kay décident de partir, et il dit, basiquement Kay dit, on n'est pas des chevaliers, on n'est pas digne de cette quête et on vous sert à rien en plus. Donc puis Alex dit non, c'est pas vrai, vous pouvez devenir bon et puis nous aider. Et puis, la Dame du Lac restitue Excalibur, ce qui restaure un peu leur espoir, et ils décident de marcher jusqu'à Tintagel. Ils sont dans le château de Tintagel, ils ont froid, ils sont mouillés, et ils disent « on devrait peut-être se coller les uns aux autres pour collecter de la chaleur, bon, ce qui ne sert pas à grand-chose qu'on a des vêtements, mais... » Puis t'as Lance qui dit « Non, pas question !» Puis ça coupe à eux qui sont endormis les uns sur les autres, donc une scène un peu comme ça attendrissante. Le matin, Alex se lève, plante Excalibur dans un rocher, et puis il décide d'aller à Tintagel pour retrouver son père. Il arrive chez en fait sa tante qui dit oh, je suis la sœur de ton père, tu te rappelles pas de moi, et il dit oh, mon père battait ses démons, regardez il m'a laissé ça, il m'a laissé ce mot dans To My Once and Future King, il devait connaître ça. Puis il dit non, mais basiquement elle dit Alex, ce n'était pas des démons littéral. Puis il dit ça fait oh, non, ma mère m'en a parlé, ta mère t'en a parlé. Puis non, mais il sait qu'il combattait des démons maléfiques. Puis non, c'était une métaphore pour, bien entendu, une métaphore pour l'alcoolisme. C'était ça ou la maladie mentale, généralement, quand on dit que quelqu'un combattait des démons, soit l'addiction, soit la maladie mentale. Mais ça aurait effectivement été un petit peu plus, je sais pas, plus difficile à gérer si c'était qu'il était malade mental. Mais elle dit, basiquement, voilà, il était alcoolique, il était énervé, il était violent. Et on a pensé qu'il pouvait changer après ta naissance, mais ça n'a pas été le cas. Je sais même pas ce qu'il est devenu aujourd'hui. Et Alex est extrêmement triste. Et puis elle lui dit en plus, mais Alex, ce mot dans le livre que tu as... c'est pas ton père qui l'a écrit, c'est l'écriture de ta mère. Et Alex est bien sûr dévasté parce qu'il se dit ma mère m'a menti, elle m'a dit que c'était ce que mon père m'avait donné, elle m'a menti sur le fait, puis je la déteste, etc. Il est donc très triste, et puis il balance le livre de légende de Chevalier de la Table Ronde dans la mer. Et puis Bathurst lui dit non, mais regarde ce que j'ai fait, prends cette pièce, parce qu'au début du film il avait essayé de faire un sort de un tour de magie pour dupliquer une pièce. Et il lui dit regarde cette pièce, puis il imite les mouvements de Merlin, le clac clac clac clac controversé au sein de l'équipe de Rex Quandam, mais il l'imite et il arrive à dupliquer la pièce, il arrive à imiter le charme de multiplication des métaux parce qu'il avait filmé Merlin en train de le faire. Et du coup maintenant ils arrivent à multiplier les métaux, ils vont dans une espèce de d'arcade où il y a des pièces, enfin ils découvrent déjà, Merlin va lui dire Alex, tu as jeté ce livre. Et puis il lui a ramassé le livre qu'il avait balancé en bas de la falaise. Et il dit, tu sais, ce livre, c'est pas complètement vrai. C'est des légendes qui ont été racontées, re-racontées, réinventées. Et si elles cadrent pas à ce que toi tu ressens, c'est pas grave, tu dois juste les réécrire. Il y a un message assez sympa sur justement, ouais, la légende arthurienne, c'est ce que t'en fais. Et puis c'est juste, c'est pas complètement historique de toute façon. Et donc fais-en un peu ce que tu veux. Et vraiment un message sympa. Puis il dit, Excalibur désigne pas les gens en fonction de leur droit de naissance ou de leur héritage, et le fait que ton père était pas une bonne personne, c'est pas grave, parce que ça t'empêche pas d'être toi une bonne personne, et Excalibur choisit la vertu, basiquement. Et donc moi, je trouvais que ça cadrait assez bien avec le fait que Arthur s'appelle Filius Tintagelli, et que c'est pas explicitement dit qu'il est le fils... C'est pas complètement dit, il y a une espèce de creux dans le film qui est assez intéressant, mais pas trop exploité. Par contre, en creux, Morgane est régulièrement en train de dire « C'est mon droit de naissance de gouverner sur la Bretagne, c'est mon droit, je suis la dernière des Pendragons, je suis la descendante du Terre. » Et donc, c'est régulièrement, par contraste avec Alex, l'idée que c'est la valeur contre le droit de naissance. D'ailleurs, c'est assez marrant, parce que je crois qu'à un moment, il mentionne qu'il y a Lance qui mentionne « Ouais, mais... t'as tiré Excalibur, donc on devrait considérer que c'est toi le vrai roi, alors qu'il y a déjà une famille royale. » Et je trouvais ça marrant, parce que généralement, on n'aborde pas toujours ça quand on veut faire ce genre de mise en scène. Genre, ah, t'es le roi de toute la Bretagne, il y a déjà une reine, donc est-ce que tu vas aller péter la gueule à Elisabeth II ? Disons, ça marche assez bien dans le contexte du film, où c'est vraiment une royauté métaphorique, en fait. C'est plus une espèce de présence spirituelle, c'est un rôle général, plutôt qu'une espèce de royauté effective, en fait. Bah, il y a l'idée de royauté effective, mais aussi, comme ils le disent, qui va m'élire roi, en fait ? Genre, il y a aussi une espèce de sentiment d'impuissance. C'est un des thèmes du film, c'est justement la division du pays et l'aliénation, l'atomisation, le fait qu'on soit séparés les uns des autres et qu'on se sente complètement insignifiant et impuissant et que ça nous tourne les uns contre les autres. Et justement, Alex, au cours du film et à la fin du film, il dit « Ouais, on se sent nul et on a peur, etc. » Il y a justement, pendant la querelle avec Kay et Lance, il dit à un moment « Ouais, je sais pourquoi tu bodies les gens, c'est parce que tu te sens nul et insignifiant et que tu vas jamais aboutir à rien dans la vie à part faire de l'argent et puis opprimer les autres. » Et puis Kay dit « Ouais, peut-être que c'est vrai, mais on a raison de le faire parce que le monde marche comme ça. » Puis Alex là « Non, c'est pas vrai, il y a de l'espoir. » Donc le film est ambivalent entre les deux, mais je trouve que le film est pas naïf et pas idéaliste et pas complètement cynique non plus. Donc je trouve qu'il a un mélange qui est pas trop mal, surtout pour un film pour enfants, où on a tendance à trop vite verser soit dans l'idéalisme, soit justement dans une espèce de cynisme ironique et puis humoristique, qui, à mon avis, c'est mieux si on est un peu entre les deux. Donc, Alex se rend compte que Morgane a été enfermé, d'après son livre d'images, dans la tour de Glastonbury Tor, il voit qu'elle est sur le pommeau d'Excalibur, ce que j'ai trouvé bizarre. C'est assez marrant parce que tous les enfants viennent, en fait, comme il a planté Excalibur dans le rocher, t'as tous les enfants qui se prennent en photo avec l'épée ou qui essaient de la tirer. Et puis quand ils la tirent, t'as tous les touristes qui applaudissent. Puis je trouve la scène assez comique, assez bien rythmée. Ils vont à Tintagel autour du King Arthur's Arms Inn. Autour, ils ont fait une espèce d'arcade et il va dans l'espèce de scène d'arcade où ils ont des pièces. But Bellers utilise le charme de duplication pour multiplier les pièces et il chope des tonnes et des tonnes de thunes. Ils vont dans un magasin de souvenirs, répliques d'armure et trucs arthuriens comme ça qui s'appelle genre Pendragon machin, et ils achètent des armures. Oui, ça aussi c'était très drôle. En fait, j'ai trouvé le côté complètement. Du coup, ça justifie quelque part rétrospectivement les espèces d'armures brillantes un peu génériques qu'ils ont dans le matériel promotionnel en fait. Mm-hmm. Mais je crois que Bedders utilise un bouclier qui est en fait un icône de signalisation de trafic, ouais. pour un chantier, ce que j'ai aussi trouvé assez une petite touche un peu rigolote. Mais l'identité visuelle du film est pas trop mauvaise. Puis justement après quand il duplique les armures, bah il duplique ce panneau en métal et du coup tout le monde a un bouclier triangulaire dans l'école. Donc juste une scène que j'ai oublié de mentionner, c'est qu'ils sont de nouveau poursuivis par des Mortes Milius justement. D'abord ils sont à la sortie du marais, ils sont récupérés par une espèce de groupe d'équitation. Et ils avaient été poursuivis par des Mortes Milius à cheval, et du coup ils apprennent à chevaucher, donc c'est assez sympa. Ça va pas trop ressurgir dans le film, mais voilà, ils ont des scènes à cheval, en armure, donc c'est très, très arthurien. Ils commencent à apprendre à s'entraider, en fait, et à progresser ensemble, avant d'arriver à Tintagel. Ils arrivent à la Glastonbury Tor, Alex perce une dalle sous la tour, qui est juste très petite tour sans toit, et ils arrivent à descendre dessous, dans le royaume de Morgan. Ils sont vite séparés par des lianes qui les attaquent et les enserrent. Alex, qui est le Arthur stand-in, confronte Morgan, qui lui dit « Tu n'es rien, j'ai mon droit de naissance, je vous ai vu, j'ai vu que vous étiez divisé, nul, et puis voilà. » Puis il dit « Ok, vous avez raison, je ne suis rien. » Il lui tend l'épée, puis il dit « Je vous rends l'épée. » Puis au moment où elle veut la prendre, il retourne l'épée, puis il la plante, puis il a genre « Oh, ça a marché !» Et puis du coup, Morgan s'effondre, les lianes lâchent ses amis, et il s'enfuit dans les tunnels, et ils arrivent à débouler à une sortie de tunnel, puis ils disent, ouf, on a réussi à gagner, à vaincre la méchante. Bon, bah, c'est fini. Si je ramène Excalibur chez moi, on va me la confisquer, donc il vaut mieux que je la jette dans cette étendue d'eau. Puis ça fait, tu penses vraiment que la Dame du Lac est dans chaque étendue d'eau, dans toute la Bretagne? Puis il lance l'épée, puis ça fait, il y a la main qui la rattrape. Donc elle dit, bon, effectivement, bah. Effectivement, oui. Ils rentrent chez eux. Et il se dit, j'ai pas envie de confronter ma mère ce soir, etc. Il voit sa mère endormie chez elle avec son attel, avec son téléphone portable, donc apparemment inquiète. Il dort. Le lendemain matin, sa maison est couverte des lianes maléfiques de Morgan, ce qui laisse penser qu'il a pas réussi à la battre. Merlin se cogne à sa vitre sous forme de hibou et il dit justement, tu n'as pas réussi à la battre. Et puis il dit, mais pourtant, qu'est-ce que j'ai fait? On a suivi le code. Et puis il dit, oh merde, non, on n'a pas suivi le code. Parce que la première maxime du code, c'était... honore ceux que tu aimes. Et puis justement il dit j'ai pas été il a menti à sa mère, en fait. J'ai menti à ma mère, j'ai pas été ok avec elle, je lui ai pas dit la vérité. Et puis quand il chope Excalibur, sa mère est très inquiète parce que mon fils joue avec des armes, allô police, j'ai peur que mon fils ait rejoint l'État islamique. Mais basiquement il se réconcilie avec sa mère, il lui dit voilà, il faut qu'on soit honnête l'un avec l'autre, je sais que tu m'as menti à propos de mon père, je t'ai menti, voilà, on n'a pas été honnête, il faut qu'on se remette d'être honnête. Alors, et puis je vais te montrer, il fait sortir Excalibur de la baignoire par la Dame du Lac pour lui montrer que c'est vrai, puis genre don't freak out. Ils vont à l'école pour se battre contre les soldats, c'est pas vraiment, je crois que c'est pas très justifié pourquoi est-ce qu'ils vont à l'école, parce qu'ils pourraient aller n'importe où littéralement vu que les soldats vont suivre l'épée. Je crois que l'idée c'est justement qu'ils ont ils peuvent construire une armée en fait avec les autres écoliers en fait. Voilà, l'idée c'est un peu voilà, on va revenir chez nous. Et puis ils font un speech inspirant, puis ils disent Merlin, transforme-toi en hibou pour montrer que la magie existe. Tous les élèves sont là waouh, la magie existe. Et tous les élèves étaient d'ailleurs dans la cour pour attendre l'éclipse en fait, ils avaient tous des lunettes pour se protéger de la lumière du soleil des yeux pour regarder l'éclipse. Ce que j'ai trouvé marrant, parce que dans beaucoup de films où il y a une éclipse cataclysmique, etc., les gens la traitent pas comme une éclipse normale, qui est que littéralement tout le monde essaye de la regarder. Puis là, le fait que visuellement, quand ils ont recruté tous les élèves, donc justement, il fait le speech inspirant, personne les rejoint, et il y a Merlin qui contrôle mentalement la principale, puis lui dit dites-leur que ça leur permet de sauter les cours, et ils sautent les cours. Donc du coup, tout le monde les rejoint pour pouvoir sauter les cours. Il leur donne des armures que Merlin et Bedders multiplient grâce au charme de multiplication. Et aussi, il y a une scène assez marrante où tout le monde attend l'éclipse en armure, par-dessus les uniformes d'écoliers et avec des lunettes pour l'éclipse. Et je trouve ça assez visuellement cool. Parce que maintenant que j'y pense, je me dis, mais c'est vrai que les scènes d'éclipse dans les films fantastiques, c'est un cliché. Mais rarement on voit des gens Avec les lunettes d'éclipse. Les lunettes un peu ridicules. Oh. Ambiance très fête des vignerons en 1999. Il y en a d'autres. Je me rappelle, on en a vu dans trois films, mais c'est relativement rare. Donc, ils installent des espèces de pièges, des espèces de trucs à bascule, des trucs à la, Home Alone, quoi. Vraiment, genre, comme des espèces de pièges sur les bagnoles. Ils mettent des bancs pour faire des béliers et buter les chevaliers. Et pour, basiquement, les ralentir, en espérant attirer Morgane sur le toit pour la battre. Merlin a hypnotisé tous les profs pour prendre toutes leurs clés de bagnole. C'est comme je disais avant, dès qu'il y a quelque chose qui pourrait être encombrant dans l'histoire, on a Merlin qui hypnotise des gens. Et donc, les écoliers vont se battre contre Morgane avec l'aide de Merlin, parce que comme l'éclipse, c'est ni la nuit ni le jour, cette fois-ci, Merlin peut être là. Il va pas faire tant que ça, mais il va aider un petit peu. Et puis la scène, c'est basiquement une réplique de la scène d'ouverture où c'est assez bizarre parce qu'il y a tous les écoliers qui sont... Ils sont vraiment beaucoup et ils sonnent la retraite vers le toit. Puis donc, ils sont censés être, je sais pas, des centaines sur le toit. Et puis, quand c'est le combat contre Morgane, ils sont d'un seul coup 10. Enfin, le toit est complètement vide. Ça, c'est un des moments où je me suis dit, la mise en scène a un petit peu un faux raccord. Disons, il y a plusieurs moments dans le film où il y a des espèces de continuité bizarre à l'image, où tu comprends pas très bien la scène quand même. C'est pas toujours extrêmement net. Tu sens qu'il y a eu un petit peu de... Ils ont pas passé aussi de temps sur le montage qu'ils en voulaient parfois. C'est clair. Après, le reste de la bataille, tu comprends que la bataille contre Morgane se passe sur le toit et que pendant ce temps, le reste de l'armée... se bat contre les écoliers dans la cour un peu partout. Il n'y a aucun mort, hein, évidemment. Non, il n'y a aucun mort. Ça aurait été un petit peu... Ouais, on a vu quelques scènes d'entraînement où les écoliers deviennent des épéistes redoutables en basiquement 2 heures, littéralement 2 heures, le temps de mettre les armures et tout, donc ils sont assez efficaces. Morgane confronte Merlin sur le toit, sous sa forme jeune, elle l'étrangle et puis il se transforme en Patrick Stewart. Puis là, ah, voilà, tu ressembles, tu es vieux, machin. Et puis Merlin dit justement, on est vieux, on n'est pas de ce monde. Et puis le monde leur appartient à eux maintenant. Puis il dit, tu penses vraiment qu'ils sont dignes, plus dignes que moi. Puis il dit, chacun de ces gosses est plus vertueux et chevaleresque que toi, etc. Morgane prend sa forme draconique, vouivre, elle a une espèce de longue queue, des ailes, et puis un visage toujours un peu film d'horreur japonais, genre avec des espèces de petits yeux, gros visage, et puis des cheveux noirs plaqués sur la tête, un tout petit côté Junji Ito dessus. Et puis Merlin relance une espèce de tourbillon pour l'aspirer et l'enfermer sous terre comme il l'avait fait, et Alex parvient, alors que tout le monde l'attache avec des cordes, les autres écoliers, ils arrivent à la maintenir en place suffisamment pour que Alex lui saute dessus et lui tranche la tête. Il y a un petit côté coup d'épée de Japanimation que j'ai pas compris, où justement il plante l'épée, puis ça a marché ou pas, puis d'un coup il y a sa tête qui se détache. Il a réussi, elle réussit à être enfermée. Et puis basiquement, tous les écoliers sont contents et se félicitent les uns les autres. Là, ils sont de nouveau 3000 sur le toit, donc c'est un peu ce dont je parlais niveau faux raccord. On en voit qui arrivent, donc on constate quand même qu'ils ont, à mon avis, ils ont eu quand même pas mal de figurants, hein, la scène, ça a visiblement été assez impressionnant à filmer. Il y en a qui arrivent en fait par les escaliers, donc j'imagine qu'ils se réunissent là en fait. Ouais, ils étaient planqués quelque part. Mais du coup, c'est un peu la fin du film, tout le monde célèbre, Merlin a une espèce de discours final où il leur dit. Ouais, j'ai fait quelque chose pour toi, puis lui donne un livre de légende de Chevalier de la Table Ronde où c'est eux qui sont représentés sur les images, et puis sur la couverture c'est marqué M.A.B. Caledensis, donc le nom que Merlin Ambrosius s'est donné. D'ailleurs, avant c'était quoi M.A.B. Parker sur le premier livre, j'ai pas compris à quoi c'était une référence. Je pense pas que c'est une référence à quoi que ce soit en fait. C'est un nom générique d'auteur jeunesse en fait, pour moi c'est un nom auteur jeunesse, genre inidentifiable, trois lettres pour le... Jeunesse fantasy, ça a ce côté très J.K. Rowling, J.R.R. Tolkien, M.A.B. Parker, pourquoi pas quoi. Bon, puis aussi, beaucoup de ces livres étaient en fait faits par des pseudonymes, c'était des gens qui n'existaient pas. Enfin, c'était un collectif ou différents auteurs qui se... Ou alors des auteurs qui écrivaient d'autres choses à côté, qui publient ça sous pseudonyme. Mais donc, Merlin conclut par une espèce de discours où il leur dit « Bellers, tu as réussi à imiter le charme de duplication et je pensais te l'enlever, mais je pense que je peux te faire confiance avec cette magie de multiplication des métaux. » Lance et Kay, vous avez montré que vous étiez valeureux et honorable, etc. Bon, ils n'ont pas eu tant de développement. Et puis Alex, il lui dit, tu as compris que la valeur, c'était important. Il dit, un pays n'est qu'aussi bon que ses leaders. Countries as leaders, donc tu as quand même cette idée-là. And you'll make excellent leaders. Donc vous ferez quand vous serez là plus tard, vous serez des bons dirigeants, des bons... voilà, donc il y a cette espèce d'idée quand même un peu... Ils ont aristocratique au sens premier, donc vous êtes des bons et puis vous êtes vertueux, etc. Et puis ça, vous allez réussir à unifier le pays. Mais aussi un peu aigre-doux, où justement Alex dit, personne va nous écouter, personne va nous faire confiance. Theresa May est toujours première ministre. Le pays va sombrer dans l'océan d'une minute à l'autre, Merlin. Et Alex, du coup, relance Excalibur dans une petite mare, la main de la Dame du Lac l'attrape, et puis quand elle rentre dans l'eau, les crédits roulent. Donc là, c'était un peu le résumé linéaire du film, comme on l'a fait peut-être un peu trop long, parce que comme vous voyez, c'est pas passé tant de choses que ça. Il y a que 4 jours jusqu'à l'éclipse, donc c'est un peu, c'est un de ces films où, oh, la prophétie, l'éclipse, il manquait juste que Morgan ait une colonne de lumière qui émergeait de l'école pour ouvrir un portail des ténèbres, parce que ça aurait été vraiment le cliché ultime de film d'action en ce moment. Mais je trouve que le film fait un effort pour bien les digérer, ou pour que beaucoup d'éléments qui sont clichés fassent double emploi, donc que ce soit pas complètement cliché. Si tu vois ce que je veux dire, genre l'éclipse est là, mais c'est introduit dès le début, donc ça va, c'est plus digeste. Bah, disons, c'est relativement. Le film arrive à cette compétence pour être relativement équilibré en fait dans son univers. C'est pas quelque chose de beaucoup trop. C'est pas l'intrusion complète d'un univers fantastique ou fantasy dans un monde, disons qu'il l'est pas. Donc ça, ce qui peut prêter parfois à problème, c'est pas non plus un côté tout à fait surnaturel qui n'est pas remis en question. C'est vraiment une c'est ce côté un peu Doctor Who, en fait, l'école de Doctor Who, où on fait une harmonisation relativement harmonieuse, ou en tout cas compréhensible, assez pragmatique finalement aussi. C'est vrai que c'est un côté très Doctor Who, donc bon, déjà, je ne sais plus comment il s'appelle. Angus Imrie, qui joue Merlin, a fait son audition pour être le 14e Docteur, j'ai l'impression, par moment. A un côté très, justement, whimsical, Docteur, etc., mais qui marche avec c'est issu d'une longue ligne de personnages dont Merlin... Il y a une généalogie à Merlin qui est là, le côté un peu fantasque, etc. Mais aussi, un côté très Doctor Who dans le sens, la magie, le fantastique, le merveilleux arrive, et puis il repart, et puis il y a un petit côté aigre-doux, justement, qu'on a aussi beaucoup dans Doctor Who, genre, tu es un type ordinaire, et tu es un moins que rien dans cet univers, etc. Mais tu t'es montré à la hauteur de cette aventure, et puis peut-être que ça va t'aider à aller un peu mieux, même si tu dois revenir à ta vie un peu pourrie. C'est quelque chose qu'on trouve beaucoup dans Doctor Who, tu sais, dans ce côté où le docteur repart à la fin, puis bon, je suis toujours le pélo que j'étais au début, mais maintenant j'ai un souvenir de ça, puis ça c'est assez similaire. Ils ont beaucoup de quelques références à la pop culture qui étaient à mon avis pas nécessaires, donc c'est comme dans Harry Potter et Luke Skywalker, je suis là, ouais, ça rend pas le truc meilleur si tu le mentionnes à voix haute, on va dire. Mais il y a des moments qui sont beaucoup plus mieux utilisés, c'est le moment où il y a Bedos qui dit « We're like Frodo and Samwise !» Puis j'étais « Ouais, c'est plutôt pas mal comme utilisation. » Ce qui est marrant, parce que littéralement dans la scène de Frodon et Sam, dans Le Seigneur des Anneaux, il y a cette scène où Frodon et Sam disent on est comme les héros des histoires, et puis il y a cette scène assez touchante du Seigneur des Anneaux où justement Sam dit « Je me sens comme les héros de ces histoires qu'on me racontait. » Puis donc là, il y a une deuxième mise en abyme, « Je me sens comme Frodon et Sam, qui sont effectivement devenus le prototype de fantasy de ces héros d'histoire, en fait. » Ce que je trouve assez intéressant. Je trouve dommage que les personnages de Bedders, Kay, Len, ne soient pas développés. Leur donner un arc, ça aurait peut-être prolongé un peu le film. Le film fait déjà 2 heures. Mais à mon avis, ça aurait été possible d'avoir un peu plus. Lance a pas besoin de plus, mais par exemple, Kay et Bedders, à mon avis, auraient besoin. Ce qui est un peu triste parce que, bon, c'est assez symptomatique. C'est les deux personnages, c'est les deux acteurs de couleur qui ont été crédités dans basiquement rien d'autre et qui n'ont pas beaucoup de choses pour leurs personnages. Et puis, c'est le côté un peu. Ouais, un cast un petit peu. Bon, on va avoir un cast un peu divers, ce qui n'est pas mauvais, parce que rien que pour différencier les personnages, c'est toujours bien. Et c'est un peu ce que disait Scott McCloud, genre la diversité, c'est bien pour raconter des histoires pour différentes raisons. Une des raisons, c'est que visuellement, ça aide à différencier. C'est bien d'avoir des personnages différents, mais aussi ça aide à raconter des histoires différentes. Et ce côté-là n'est pas du tout exploité. Non, c'est ça qui est dommage, en fait. Tu t'attendrais à ce que Bedders ou Kay aient des relations sont peut-être différentes avec le roi Arthur, je sais pas, il y a peut-être une mythologie. C'est très un peu melting pot, Arthur, héros universel de la Bretagne, ce qui est pas incompréhensible, et c'est un film qui c'est relativement simple. Hein. On analyse, j'ai pas envie de faire celui qui dit ouais, mais c'est qu'un film pour enfants, mais par moment, effectivement, c'est un film pour enfants qui a pas forcément envie de grappler, enfin de travailler avec tous les thèmes nécessairement auxquels on s'attendrait quand on parle du roi Arthur. Il y a une limite, disons, qui doit être posée quelque part quand même dans les thèmes que tu peux aborder. Il y a basiquement deux thèmes, le thème de l'unité. On est divisé, il faut qu'on s'unisse, il faut qu'on soit fédéré ensemble, il faut qu'on réussisse à arrêter de se battre entre nous parce que ça nous fait perdre du temps, qui bien sûr tous les critiques anglais à l'époque de Brexit, voilà, ils ont projeté ça dessus. Mais il y a ce thème d'unité qui à mon avis est très bien illustré par le fait que justement Alex dit immédiatement il faut pas qu'on, je sais pas, tabasse ou qu'on tue l'Anseke à coup d'épée, mais c'est on va faire ce que Arthur faisait, c'est qu'il changeait ses ennemis en alliés. Et il y a le deuxième thème qui est là lié à la quête personnelle de Alex, qui est je veux retrouver mon père, puis il se rend compte que son père n'était pas une bonne personne, n'était pas quelqu'un de bien, il avait, voilà, il luttait avec l'alcoolisme, et puis il n'était pas la personne qu'il pensait, mais malgré ça, il peut essayer d'être une bonne personne, et puis que c'est pas la lignée ou la naissance qui devrait faire de quelqu'un de valeureux, mais plutôt la vertu. Ce qui est un thème classique de fantasy, mais malheureusement, on a énormément d'ambivalence dans la fantasy. C'est le fameux effet Luke Skywalker, comme Luke est mentionné dans le film, je pense pouvoir le dire. C'est le fameux, ce jeune paysan issu de rien du tout va pouvoir vaincre l'Empire. Oh, en fait, c'est parce qu'il est l'héritier d'une des lignées les plus puissantes de l'histoire de l'humanité et qu'il est connecté à la force du cosmos. et qu'il est supérieur à tout le monde, littéralement, physiquement. Voilà. Enfin, il y a toujours cette ambivalence dans la fantasy, puis là, ils ont choisi le pôle. Non, non, c'est vraiment la valeur qui importe, et puis pas la naissance. Ce qui est lié à l'histoire, à la fois à l'histoire d'Alex et à l'histoire de Morgan, ce qui est pas mal. Donc, honnêtement, pour un film pour enfants, c'est difficile de vouloir plus que ça, quoi. Oui, il y a ce côté un peu vraiment... Disons, il fait déjà beaucoup de choses, ce film. Il fait beaucoup de choses, il arrive à être relativement cohérent, il arrive à pas te donner envie de crever les yeux parce que, mais bon Dieu, c'est ridicule, pourquoi ce footballeur était en armure, ce footballeur américain est en armure de l'ancien. C'est tout ce côté Avalon High qui est mon maître talent des horribles adaptations arthuriennes. Il y a ce côté vraiment qui n'est pas... En fait, en n'essayant pas finalement... C'est pas un film try hard, c'est un film qui arrive à faire ça de façon relativement harmonieuse. Et peut-être que c'est inhéremment plus facile à faire quand t'es en Europe, en fait, finalement. Je sais pas si c'est quelque chose qui est lié à... Si les Américains sont trop dégénérés pour... Non, pas qu'ils sont dégénérés, mais il y a une distance inévitable par rapport au passé qui force à vouloir renforcer peut-être un sentiment d'authenticité. Typiquement, les films arthuriens... Avalon High, typiquement, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est en fait la réincarnation de... Alors, ça dépend si vous basez sur les romans de Meg Cabot sur lesquels le film est basé ou si vous regardez juste le film Disney Channel. Mais en gros, c'est une jeune fille dont les parents sont médiévistes et arrivent les deux dans la même université où ils ont été recrutés pour travailler ensemble. Ce que je trouve, c'est l'élément le moins crédible du film. Deux médiévistes qui trouvent un job en même temps dans la même université. C'est ça, le marché du travail universitaire est vraiment très mal représenté. Mais il y a ce côté vraiment... voilà, on veut relier les trucs à tout prix. Dans un film américain, la mère d'Arthur aurait été médiéviste et en fait le père aurait vraiment été dans une lignée arthurienne d'année en année. Il y aurait vraiment une notion de la réincarnation. Alex, c'est pas la réincarnation d'Arthur, il y a aucune notion non, c'est purement. C'est une question de valeur personnelle, de courage et de... C'est ça, il n'y a pas ce côté vraiment où on veut à tout prix rajouter une légitimité particulière qui marche relativement bien. Et du coup, le côté un peu fantastique du truc ne ressort pas comme un cheveu sous la soupe. C'est pas amené... il s'intègre, il est particulier, mais c'est pas comme si on avait une société secrète de chevaliers qui d'un coup émergeait de l'école où il y avait... c'est pas ce côté un peu Riverdale, un peu ridicule, de mishmash d'influence. Non, c'est vraiment quelque chose qui se développe organiquement à partir de l'univers, en fait. Il y a deux éléments fantastiques, c'est Morgan et ses troupes, de sorte d'amour vivant, et Merlin, et les deux amènent leur magie d'une façon qui est cohérente avec l'univers, en fait. Ouais. C'est ça qui est intéressant. Typiquement, l'exemple parfait, c'est justement la potion de Merlin qui, en fait, il se retrouve à pouvoir simplement manger du poulet frit avec de la glace et du sirop. J'ai trouvé ça pas mal parce que ça reprend le trope des ongles de poux et couilles de loup et puis de la cire d'oreille de poux et puis le trope des potions dégueulasses. Mais c'est, en fait, notre bouffe est tellement dégueulasse qu'il a juste à manger des chicken nuggets, de la glace et puis du sirop. Mais d'un côté, ça permet aussi d'avoir... Ils doivent pas simplement faire toute une potion complète... compliqués qui va miraculeusement leur permettre. Ils ont juste ils arrivent au moment fatidique où Merlin doit être réanimé, ils ont pu simplement faire préparer du poulet frit, un mélange de liquide horrible de poulet frit, de glace et de sirop, et ça suffit à le réanimer, quoi. Et du coup ça marche, c'est bête à dire, mais ça marche assez bien. On n'a pas à se dire ils ont pas réparé une potion en utilisant un vieux grimoire dans un labo de chimie, en allant chercher des couilles de loup justement dans la forêt. Non, du coup ça marche parce que c'est relativement ancré dans quelque chose d'assez réel. Je dirais que sur le plan visuel, j'ai déjà dit que j'aimais bien ce que le film faisait sur certains trucs. Le fait que Bader c'est un bouclier qui a un panneau de signalisation, c'est sympa, ça marche bien comme visuellement. Le fait, l'image de l'écolier avec l'épée qui dépasse de son sac, je trouve que c'est vraiment sympa comme idée. C'est simple, mais ça, la magie de Merlin, bon voilà, divisif, mais visuellement c'est pas un film qui est complètement fainéant. Là où la fainéantise vient, c'est niveau effets spéciaux. Là où Attaque de Bloc c'était vraiment distingué de ce côté-là et faisait beaucoup avec un budget très limité, là on a un budget beaucoup plus grand, mais les chevaliers en feu, c'est vraiment du... Ouais, chevaliers en feu, Dark Souls, c'est pas... Morgan, elle a des lianes, et puis c'est très générique de ce côté-là par contre, et ça c'est peut-être un peu... Disons, dommage que la créativité ait pas été là, même si je sais que c'est très... ça coûte déjà extrêmement cher, et puis c'est bien fait objectivement, c'est décent, mais de ce côté-là, vous allez pas être époustouflé, et je pense que il n'y a pas grand-chose d'innovant, et c'est ça un peu le plus gros défaut de ce film. Et qui explique un peu, je pense, aussi son destin, disons, commercial. Après, je pense qu'il y a aussi une certaine lassitude par rapport à ce genre de film, peut-être. Je ne sais pas si... Effectivement, on en a parlé de ces films qui mélangent Moyen-Âge et... Mais après, c'est un film qui est compliqué, parce qu'il aurait fallu le marketer, il aurait fallu qu'il trouve son public. Ils n'ont pas fait... je sais pas, il y a pas d'énormes stars qui peut accrocher les. Non, je pense que. Après, un film comme Attack the Block n'a pas non plus trouvé son public d'une certaine façon. Enfin, d'une certaine façon, il l'a fait de plus façon plus avantageuse parce qu'il était un film à petit budget qui était destiné à tourner dans les festivals et dans une petite sortie en salle. Alors que là, c'est un peu le problème des. C'est un peu le problème générique qui arrive au film aujourd'hui. En fait, c'est des films pour des films qui sont à mi-budget, des films fantasy mais pas avec un énorme budget. Qui arriveront pas forcément à le récupérer parce qu'il n'y a pas les moyens non plus pour mettre derrière une campagne de promotion énorme. C'est pas un film comme Avengers ou même un film comme Batman v Superman, par exemple, c'est des films qui sont un peu too big to fail. Ils vont faire de l'argent, c'était très rare qu'il y ait un film à un énorme budget qui soit un échec absolument total, parce que de toute façon, ils arrivent à le refaire. C'est cette malédiction du film un peu des budgets au-dessus de 10 millions et en dessous de disons, 200 millions qui vont toujours finir par être dans cette espèce d'entre-deux où les gens vont plus assez au cinéma pour justifier l'existence de ces films, en fait. C'est le genre de film que tu vas voir, bah tu vas dire bah je l'attraperai en DVD ou je l'attraperai en streaming. Non, c'est un film qui aurait eu un gros succès, je pense, s'il avait été sur Netflix, tu vois. Ouais. C'est ce genre de film qui vont être destinés à finir sur les services de streaming, en fait. Je pense qu'il a de la c'est difficile d'être très enthousiaste pour ce film. Mais c'est un film qui aurait beaucoup mieux marché si s'agissait de mesurer son succès en disant il va aller en streaming, tu as déjà ça dans ton programme de streaming, bah tu vas le regarder. Mais peut-être qu'il aura, je pense, en termes de si c'est le film qui passe une ou deux fois par an à la télé, peut-être qu'il aura un petit destin post cinéma. Peut-être qu'il va revenir en tant que film culte une fois, je sais pas, je pense pas parce qu'il y a pas de peut-être si un de ces acteurs devient une star, peut-être que si Angus Imrie d'un coup devient une star grâce à l'adaptation de la vie de Catherine d'Aragon et du prince Arthur d'Angleterre dans lequel il va jouer prochainement, je sais pas. Il joue le prince Arthur, c'est juste. Il joue le prince Arthur, pas Arthur, donc c'est ouais. Arthurien d'une certaine façon, parce que le prince Arthur est nommé par son père Henri VII d'une façon à réunifier la Bretagne, c'est vraiment un élément dynastique dans le nom du prince Arthur d'Angleterre, mais c'est pas, il n'a pas une destinée arthurienne très très. Très très notable, disons, vous le savez si vous avez vu par exemple Les Tudors. Je sais pas, je pense qu'il y a c'est un de ces films qui aurait de toute façon souffert. C'est pas un film qui a assez petit budget pour faire un succès d'estime suffisant pour se rattraper ou tourner dans les festivals simplement. Et c'est pas non plus un film qui a un assez gros budget pour pouvoir te matraquer. Et c'est pas ces films que tu vas aller voir au cinéma de toute façon. Ça peut encore marcher pour certains films pour enfants parce qu'il y a un public inévitable, les enfants qui vont au cinéma, mais je pense pas que ce film pouvait rentrer dedans. C'était pas un film qui avait beaucoup de chance en premier lieu de faire le passage dans un film culte au cinéma. Théoriquement, vous pouvez encore pouvoir le voir en France, donc si vous voulez aller le voir, allez-y. J'ai pas du tout regardé ce que ça donnait côté version française, ce qui pour les films pour enfants est généralement on passe la version française parce que les enfants en dessous de 12 ans ne sont pas généralement bilingues. Donc je sais pas du tout, on sait pas du tout, je sais pas si t'as regardé la VF, moi pas du tout. J'ai pas du tout regardé la VF. Je sais pas du tout ce que ça vaut, mais si vous voulez aller le voir, si vous avez un léger intérêt pour la légende arthurienne. Honnêtement, c'est vraiment pas le pire de ce côté-là. Honnêtement, j'étais vraiment à la sortie du film de Guy Ritchie, j'étais vraiment dépité. Puis j'étais là, ok, on n'aura jamais de bon film arthurien. Là, on en a un qui est relativement qui tient la route, quoi. Même si c'est pas. Oui, c'est vrai que c'est pas le film du siècle non plus. C'est un film arthurien agréable que je regarderais volontiers, je sais pas, avec mes enfants. Mais je suis pas sûr que je ferais beaucoup d'efforts pour le revoir, si tu veux, non plus. Non, c'est le film que vous pouvez conseiller ou offrir, si c'est en DVD, offrir à des enfants. Moi, je pense que ça peut passer. Enfin bon, très bien, c'est presque un peu triste qu'on en soit juste là, mais c'est un peu inévitable. C'est dommage, on l'a dit, le succès, c'est un succès critique, les gens sont positifs, personne, je pense qu'il y a sûrement des gens qui n'ont pas aimé, parce que voilà, c'est très bateau, mais c'est pas un film détestable, et malgré ça, ça va pas être un succès commercial, donc ma foi, c'est le monde dans lequel on vit, et comme le dit le film, il faut vivre avec ça, il faut espérer que ça puisse changer, mais aussi être lucide là-dessus. Donc c'est la vie du cinéma aujourd'hui, en fait, je pense. C'est pas plus mal. Ça participe à ça. Enfin voilà, toujours est-il que on vous remercie de nous avoir écoutés, si vous nous avez écoutés pour cette critique de bon, cette longue critique, hein, ça fait quand même plus d'une heure qu'on vous parle, du film The Kid Would Be King, donc Alex, le destin d'un roi. On vous retrouvera très bientôt pour vous parler du bel inconnu de Renaud de Beaujeu. Qui est notre prochain texte arthurien qu'on abordera au début du mois de mai. Est-ce qu'on aura d'autres on aura peut-être 2-3 autres épisodes spéciaux cette année, il y a 2-3 trucs. Espérons qu'on ait l'occasion de vous en parler. Sinon, on vous invite évidemment à réécouter notre épisode sur un grand film arthurien, pour le coup un film arthurien culte, l'Excalibur de John Borman, hein, on a fait un épisode spécial au début de l'année si vous nous écoutez. Et puis n'oubliez pas évidemment d'écouter nos épisodes aussi réguliers. On a parlé du roman de Geoffrey et des 3e et 4e continuations de Perceval déjà cette année. Et puis bien sûr, vous nous avez écouté. Si vous nous avez écouté en direct, vous savez que notre Radio Kawa a lancé une nouvelle émission qui s'appelle Nawak, dans laquelle vous pourrez sans doute nous retrouver une semaine sur deux les vendredis soirs. On sera préenregistré, mais on espère pouvoir rejoindre le fun un de ces jours. Un de ces quatre en direct pour se faire questionner sur des sujets impitoyables par notre cher Yann. En tout cas, on vous remercie de nous avoir écoutés, soit en direct si vous l'avez fait, soit en différé. Et on vous retrouve très très vite. Salut à tous et n'oubliez pas, la quête continue. Du Kreis der Welt, brich brüllende Hand, brich brüllende Hand, zertrümmerte Spalte, zerfall, zerreiß. Du Kreis der Welt, erzittert ihr Sternen in himmlischen Kreise, erschüttert und hemmt die ewige Reise. O helle Sonne, herrlich erkalte, dein Licht verlicht, dein Licht verlicht und teure Stütze fällt. Du Kreis der Welt, brich brüllende Hand, brich brüllende Hand, zertrümmerte Spalte, zerfall, zerreißt. Du Kreis der Welt, vous aimez les émissions produites par Radio Kawa et vous aimeriez pouvoir nous donner un petit coup de pouce? Rendez-vous sur patreon.com/radiokawa et devenez mécène de nos émissions en public, de notre nouveau matériel et de bien d'autres projets visant à améliorer le Radio Kawa que vous connaissez et que vous aimez. Radio Kawa ne touche aucun revenu publicitaire, alors à vous de jouer sur patreon.com/radiokawa. Alors Franck, on vient de terminer un enregistrement du Bureau des Patrons, qu'est-ce que c'est ? Alors Bureau des Patrons, c'est l'émission mensuelle en récompense Patreon des coulisses de Radio Kawa. Oh, ça veut dire qu'on reçoit des gens, parfois et parfois pas, qu'on discute un peu de comment ça se passe, l'envers du décor de Radio Kawa, les émissions en public, la rentrée de septembre, ce genre de choses. C'est ça, c'est-à-dire deux canapés, des patrons, un invité de temps en temps, et on discute de la vie de Kawa. Ça dure environ une heure et c'est sur le Patreon de Radio Kawa pour $10 par mois et plus, c'est la petite récompense mensuelle. Eh oui, et on vous attend pour nous écouter. À très vite. Ciao, ciao. Radio Kawa.